écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. We hani via havianu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Weneye ebibi vyo osonyiwe. Oh, sinamehegi jajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. We hani via havianu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Weneye ebibi vyo osonyiwe. Oh, sinamehegi jajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. We hani via havianu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Douala au Cameroun, c'est la même heure à Brest, du côté de la Bretagne. 2 heures de plus à Manille aux Philippines. Bonsoir à tous ceux dont là qui nous écoutent de part et d'autre. Vous êtes sur La Femme dans la Sainteté. Une autre édition ce soir pour parler des femmes saintes en vue de rendre le pays habitable, véritable sel de foyer, véritable sel dans le monde pour pouvoir rehausser le blason du Seigneur dans le monde, jadis gagné par Satan. Ces mêmes femmes qui sont utilisées comme canal par Satan pour pouvoir pervertir le monde sont utilisées cette fois-ci, en ce 21e siècle, par le Seigneur pour rehausser son blason et rehausser également son nom. La Femme dans la Sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus vient, moi te chercher, me chercher. Il s'est venu et moi, il s'est venu et moi. C'est réveillé, c'est la raison d'être également de cet enseignement qui vise à préparer les femmes être prêtes pour la venue de cette merveilleuse épouse, cette épouse céleste qui est allée préparer une place selon qu'il l'a dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'espère que vous qui écoutez maintenant sur Bamba Yaba, vous serez au rendez-vous à la venue de notre glorieux et magnifique Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il créa homme et femme, il le créa à l'image de Dieu, il le créa à son image, il créa la femme et l'homme. Et c'est ainsi qu'il confia à l'homme dans la domination de l'homme. Mais jadis, la femme a fait tomber l'homme et toute l'humanité par conséquent dans la désinvolture vis-à-vis de Seigneur, dans la disgrâce. Et aujourd'hui, cette même femme a permis la naissance de notre glorieux Seigneur, de notre Messie, dont l'objet de notre amour aujourd'hui, l'objet de notre adoration, le pourquoi nous sommes réunis ce soir. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu par une femme pour restaurer ce dont la femme ancienne avait fait. Et c'est exactement encore dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 5 et 6, la Bible nous déclarant aux femmes d'être comme modèle de femme, saine femme des anciens temps. Et c'est pour cela que la femme dans la sainteté est faite, pour remettre les femmes à l'aiguille, afin qu'elles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, pour être à l'heure au rendez-vous. Et au rendez-vous ce soir se trouve la sœur Julien Gabo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Saint Julien. Toujours bonsoir. Au rendez-vous, n'est-ce pas? Depuis Villy-Châtillon, porte 40, 6e étage, rue Bougainville, qui accueille les sœurs. Exactement, frère. Tu n'es pas fâché comme on dit que vous devez être sainte, n'est-ce pas, les saintes femmes? Non, mon frère, c'est pour notre bien, mon frère. Et tu vois donc qu'il n'y a pas de vie normalement meilleure que celle-là, n'est-ce pas, lorsqu'on vit dans la sanctification. C'est la meilleure des vies, mon frère. Mm-hmm. Loin au nord, comme ça, nous tournons partout, Bilim. Tiens, ma soeur, qui... Attendez, hein. J'ai des gens sur mon écran ici, là, maintenant. Oui, ma soeur, bonsoir. La soeur Merveille, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs. Fais-nous un direct à partout qui est en face de toi. Va direct. Un bisou direct. Tu lui dis un bisou. D'accord, de la part du frère Junior. D'accord. Ouais. Mm-hmm. La sœur Claire, bonsoir. Ça va, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes les femmes qui sont mariées, il est tard maintenant. Si vous avez des problèmes, pour ne pas avoir de problème avec votre mari, pour celles qui n'ont pas de problème avec le mari, vous pouvez rester. Pour celles qui auront des problèmes avec le mari, rentrez tranquillement, allez prendre votre place au lit. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous prenez le mesure, le temps que vous glissez doucement pour sortir, pour celles qui sont mariées et qui, dont le mari sont des loups voraces. Voilà, quel jour sera ce jour-là? Le séjour où tous les saints ont toujours eu à suppurer et ce jour est devant nous. C'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir se préparer afin que le Seigneur vienne nous trouver vraiment prêts à sa rencontre. C'est pour cela que nous nous réunissons, c'est pour cela que nous sommes là encore ce soir, pour rectifier les tirs là où il y avait un peu de déviation de l'angle alpha. Bonsoir à notre bien-aimée, la sœur Hélène. Rebonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Mmh, toujours égal à toi-même, n'est-ce pas? La sœur Audrey Simon, bonsoir du côté de l'Allemagne. Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir à Alida Kofi, bonsoir à Asito Aydara, bonsoir à Alice Fondia, bonsoir à Kazimi Sandra, bonsoir à Catherine, bonsoir à à notre sœur de la Roche. Bonsoir à la sœur Flor Karine. Bonsoir à Elena. Bonsoir à la sœur Rosalie. Bonsoir à la sœur Chrétien. Bonsoir à la sœur Laetitia également. Bonsoir à Life 1665 85 42 48 48 26 23 03 28 26. Bonsoir à la sœur Reine. Bonsoir à la sœur Merveille de Tchapchet. Bonsoir à la sœur Monique. Bonsoir à Nafisa Lager. Bonsoir à Natoucha. Bonsoir à Onela. Bonsoir à la seconde journée. Bonsoir à Marie-Josée. Bonsoir Frère Junior. Oh non, je cite tout le nom une fois parce que si je dis un à un, là vous allez me tuer ici. Bonsoir à la sœur Flo, bonsoir à la sœur Christian, bonsoir à la sœur Suzanne, bonsoir à tous les Suzanne. Bonsoir à vous toutes qui êtes là, connectées 34 femmes, bonsoir à tout le monde. Maintenant on peut commencer, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes 34? Imaginez qu'ils prennent 2 minutes pour saluer chacune de vous. On va passer ici 74 minutes. Bon. Y a-t-il des questions ce soir? S'il n'y a pas de questions, on prend un thème maintenant. Déjà, si, je ne sais pas si la sœur Monique avait posé les deux questions de la dernière fois, elle a la question concernant la, est-ce qu'elle peut démissionner sans l'autorisation de son mari et la limite de la belle-mère dans le foyer. Elle a posé cette question et puis son chef a dit, tu ouvres encore ton micro, tu vas me sentir ici. Elle a compris que son mari était chef. Elle a directement fermé. Donc, si elle n'est pas là, on prend une autre direction. Je vous propose des saintes écritures, nous allons lire. Qu'est-ce que vous proposez ce soir? Je suis à votre service. Y a-t-il des questions? Je prends le stylo, je prends ma feuille. J'attends, me poser des questions, j'écris. Frère Junior, c'est pas pour te préciser. Le frère Olivier insiste pas, il veut que son épouse participe. Du côté de la Chine, c'est ça? Mais j'ai posé la question, où est le Skype de son épouse, c'est quoi? Tu avais rajouté son épouse, sauf que le Skype là ne fonctionne pas. Il veut que tu rajoutes via son compte à lui. C'est Dila Saria. J'ai mentionné dans le forum, tu n'as pas vu. Oui, justement, parce qu'il ne peut pas en même temps travailler, vous regardant l'écran, en même temps en train de travailler avec l'écran, n'est-ce pas? Vous imaginez que j'ai deux mains comme vous, n'est-ce pas, mes soeurs? Frère, le Saint-Esprit fait plusieurs choses à la fois. Il fallait faire ça, il fallait faire ça au travers de toi directement, alors. Alors, comment vous allez poser moi des questions? Y a-t-il des questions? Allô? Oui. Et Frère Junior, je t'ai posé une question écrite là tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux la poser de vive voix. Vous avez posé la question. Qui parle? C'est la soeur Christiane. Tu as posé la question où, ma soeur? Sur le. Là maintenant, par SMS. Demain, sur le forum, quoi. Non, c'est pas évident pour moi de gérer tout cela. Votre écran écrit. Donc, chaque fois quand vous écrivez, faites que quelqu'un puisse lire. Parce que je ne vous lis pas là. D'accord? Okay. Voilà, dites à la soeur au frère Olivier que je crois qu'il a été joint au forum, qu'elle clique juste dans le forum et elle entre et qu'elle respecte la clause de fermer les micros. Oui, la soeur Christian, quelle était ta question? Oui. S'il y en a quelqu'un qui a aussi écrit la question là-bas, veuillez lire directement. Oui, question, ma soeur Christian. Moi, je voulais que c'était dans la continuité de la soumission parce que tu dis que la parole de Dieu nous demande d'être soumise et on doit y arriver. Moi, je ne suis pas encore vraiment arrivée, hein, ça j'avoue. J'ai encore du chemin à faire. Donc, on continue dans le domaine de la soumission, n'est-ce pas? Oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. De quoi? Je suis totalement d'accord avec toi, ma soeur. On va travailler dans ce domaine-là. D'accord. On va pousser un peu. D'accord. On va pousser un peu loin ce soir, d'accord? On n'est pas pressé. Parce que on ne sait pas quand Jésus va venir. On n'est pas pressé. On va aller doucement. Le but, ce n'est pas de connaître toute la Bible. Le but, c'est de prendre quelque chose, l'appliquer. On voit qu'il y a des changements. On avance au fur et à mesure, n'est-ce pas? Donc, on va travailler dans la soumission jusqu'à ce que le Seigneur nous chasse là-bas, que ça va comme ça. D'accord. Donc, ma question, c'était un peu. Parce que, on parle beaucoup du côté externe. On dit la soumission, on doit être soumise aussi. Dans le quotidien, dans les choses de la vie pratique, dans la façon d'être, la soumission de cœur. Mais je voulais, comme on est entre adultes, on est des femmes, moi j'ai un sérieux problème au niveau de l'intimité. Je me pose la question que la soumission, oui, la femme, même si elle est soumise, on reste quand même, on a toujours des cœurs, je pense, hein. On a quand même un cœur encore, non? Donc la femme a besoin de se sentir en confiance pour se laisser, pour se donner. Une femme a besoin naturellement de se sentir en confiance. Mais moi, je sais. C'est donné à qui, ma soeur? C'est donné à son mari. Non. Voilà, non, c'est bon. C'est très bon d'insister sur ce point, d'accord? C'est donné à son mari. C'est encore quelqu'un. Oui, c'est le mari, non. Donc, voilà, donc, c'est ce que je demandais. La femme a besoin de se sentir en confiance pour se donner. Parce que je me dis, même si on est des femmes spirituelles aujourd'hui, on reste quand même on reste encore humaine, on a encore des sentiments, tu vois. Donc, je dis, dans le cas où tu es dans un contexte où tu es dans un contexte de trahison, tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille, même si c'est vrai que tu t'attends au Seigneur, comment allais-je gérer ça? Comment gérer ça? Parce que moi, je dis, à mon niveau, je suis bloquée, j'ai des blocages encore, tu vois. Je sais que la femme doit être soumise à son mari au point de... Tu dois être le plaisir de ton mari. Mais dans des contextes comme ça, est-ce que c'est possible de vivre la parfaite harmonie d'un couple dans ce contexte? Parce que parfois, j'ai écouté les témoignages des soeurs, des mamans Ouattara qui sont passées par ci, par ça. Moi, je me demande toujours, je veux entendre quelqu'un qui me parle du côté intime, intimité. Est-ce que c'était l'harmonie comme après la conversion, par exemple? On va aller doucement, d'accord? Mmh. On va toucher ça sagement pour qu'on ne fraye pas les soeurs qui ne sont pas encore mariées ici. On va aller vraiment doucement. On a déjà compris la première partie que l'amour est sucré, le mariage est sucré, d'accord, ma soeur? Le mariage est bon. Mmh. Voilà. Tu me permets de te poser des questions, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai entendu. Voilà. Donc ça, c'est la soumission côté intimité. On se comprend bien, on est des grandes personnes, n'est-ce pas? Comment s'ouvrir, oui. Comment s'abandonner, se donner à quelqu'un alors qu'il y a des déceptions dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui. J'ose croire que tous ceux qui vont nous entendre vont comprendre cela. On va parler avec le langage des adultes, d'accord? Mmh. Voilà. Commencez par moi. Ok. On ne te prononce pas, hein? Bon, je vais donc arranger cette question là-bas pour qu'on parle de façon générale. Vous êtes une femme soumise. Vous faites l'effort de vous soumettre. Souvenez-vous, quel qu'en soit le cas, tant que vous serez sur la terre, on est toujours des chairs. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit n'importe comment, vous aurez les volontés dans votre corps pour satisfaire votre chair en tant qu'homme et femme. La seule possibilité, c'est que vous ne soyez pas marié, que vous n'ayez jamais goûté ce domaine-là, le domaine dans lequel tu viens de parler. Si tu n'as jamais goûté, ça ne te fera rien, tu seras encore comme le bois sec. Mais tu as goûté. Le Saint-Esprit a son rôle à jouer, tu as ton rôle à jouer dans ce domaine. D'accord, ma soeur? Maintenant, la question que je pose maintenant, c'est, on s'abandonne entre les mains de quelqu'un au hasard ou bien c'est notre partenaire? Ça, c'est la première question. Si c'est ton partenaire, écoutez très attentivement. Ça veut dire que s'il y a un problème d'abandon entre ses mains, ça veut dire qu'il y a une cause à cela. Parce que dès le départ, pour que vous avancez jusqu'à commencer à avoir un premier rapport, un deuxième rapport, puis un troisième rapport, avant qu'à un moment donné, il y a des couacs, ce sont ces couacs-là qu'il faut examiner. Il faut examiner quelle est la cause. Permettez-moi donc de vous donner un sujet, parce que ça me vient à l'esprit. Là, je note cela. Notez, et on va voir cela, que pour que la semaine prochaine, plaise au Seigneur que nous voyons, nous travaillons là-dessus. Quand on aura fini avec la soumission de la femme dans tous les domaines de soumission, cause des divorces, le comportement de la femme, deux points, le comportement de la femme. C'est vaste, mais on va essayer de le faire. Je vous en supplie de travailler dans ce domaine. Je veux que vous, chacune de vous, je crois que la soeur Ketia et ou bien la soeur Reine sont de nous entendre. Après, vous résumez ça sur le front pour que celles qui ne sont pas connectées, qui pourront voir ça par la suite, puissent comprendre. Pour que ce thème, ce que nous essayons de voir, remarquez très attentivement qu'il y a des causes, les influences spirituelles qui peuvent pousser les gens à divorcer. Et puis, il y a donc des causes physiques. Tout en laissant les causes spirituelles, c'est les causes spirituelles doivent être révélées. Les causes physiques. Et puisque je parle avec vous, les femmes, je veux que vous listez, vous-même, vous listez. Avec votre expérience, avec ce que vous savez, avec tout ce que vous avez traversé, vous avez vu à traverser, vous avez eu à entendre, listez tous les contours de ce que les femmes peuvent faire et qui peuvent être cause de divorce dans son foyer. Vous allez les lister et en ce jour-là, nous allons partager pour que les autres qui sont en train d'écouter, qui peut-être sont en train de traverser ce genre de preuves, puissent s'en retenir et se saisir pour pouvoir prendre la bonne route, le bon chemin. Parce que très souvent, on est embrouillé dans les problèmes. Et que lorsqu'on va dans la belle famille, dans toutes les autres personnes, on essaie d'accuser toujours l'un, sans savoir qu'en réalité, il faut d'abord se remettre en cause pour comprendre que dans un problème, il y a toujours des responsabilités. Quelle est donc la responsabilité donc de la femme comme comportement qui peut causer le divorce? Je ne sais pas si vous arrangez le thème que vous pouvez arranger, mais je voulais voir quel est votre rôle à vous dans le divorce que les gens consomment chaque fois. Qu'est-ce qui peut causer le divorce venant de votre côté? Donc vous prenez dans tout le sens du terme pour qu'on puisse voir. On va traiter ça avec la Bible. Comment gérer? Parce que quand on est dans le conflit comme ça, vous allez voir effectivement que chaque partie va vouloir accuser l'autre. Eh bien, quand vous allez prendre quelqu'un pour essayer de jouer à la médiation, si cette personne n'est pas à votre faveur, vous commencez à le critiquer, qu'il a pris le faveur de l'autre. De la même façon, l'autre personne, l'autre côté, en train de faire la même chose. Pourtant, dans l'esprit de Dieu, il ne doit pas avoir de divorce. Quand Dieu dit que gardez-vous à l'esprit que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, que personne de vous ne répudie sa femme. Parce qu'il y a la répudiation. Il faut qu'on regarde quelles sont les causes de la répudiation. On va aller dans la Bible, on va regarder les causes de répudiation qui étaient closées dans la Bible. On va comprendre le pourquoi la Bible l'a listé avant de venir à notre cas contemporain. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mes soeurs. Donc, nous allons travailler dans ce domaine-là. De telle enseigne que les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées ici, avant que vous n'entrez dans le mariage, que vous sachiez effectivement qu'il y a des comportements que vous n'avez pas adoptés lorsqu'il y a une situation. Pour que vous ayez des problèmes, vous savez comment gérer. Et pour celles qui sont en train de traverser ces problèmes-là, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'incompréhension, comme notre séance de signaler, c'est une des causes. Par exemple, remarquez très attentivement. Écoutez très attentivement. À partir d'un moment donné, une personne vivant initialement avec son mari, était bien. C'était, oh ma rose, mon petit cœur, oui, mon ananas sucré, oui, ma goyave glacée. À un moment donné, ça change de comportement. À la maison, c'est que quand on dit que... Ouais, la maman dit que où est ton père? L'enfant dit qu'il est là-bas, il dit qu'un chien comme ça. La personne que tu appelles goyave glacée devient un chien. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une situation qui s'est posée. Et c'est comme ça qu'on vit dans la maison en chien défaillance. Chaque personne est de son côté. Mais si les gens viennent à la maison ou bien on visite quelqu'un, on fait comme s'il n'y avait pas de situation, comme s'il n'y avait pas de problème. Quand les gens sortent, je crois que vous allez voir cet exemple-là. Il y a une vidéo que je vais faire, vous allez voir cet exemple d'un comédien-là. Il bagarre, quelqu'un entre la maison, il commence à faire comme s'il faisait le ndolo. Après, quand c'est tout là-bas, la bagarre commence. La bagarre continue. Alors, donc, vous voyez que ces choses-là, il faut résoudre le problème de fond. Regardez quel est le problème. Donc, l'un des principales situations à gérer, il faut le dialogue. Il faut toujours qu'il y ait le dialogue et que chaque partie soit prête à faire des concessions et à pardonner. Si ces conditions sont requises, tous les problèmes de foyer peuvent être résolus. Si ça répond sur le plan humain. Mais si ça touche le cadre spirituel, il faut la délivrance. S'il n'y a pas une intervention de l'esprit, de l'esprit de Dieu, vous allez divorcer. Vous montrez de descendre parce qu'il n'y a pas de pouvoir humainement parlant contre les démons. Il n'y en a pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui veut mettre stop dans le cas de divorce qui concerne l'esprit. Maintenant, restant dans le cadre que notre Seigneur dit ici, supposons maintenant deux êtres. Je prends le cadre général. La sœur Christelle, c'est ce qu'elle m'entend. Prenons le cadre général de deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment. Vous voyez que c'est le bonheur. En fait, il n'y a pas de mariage où les gens se rencontrent à la mairie. On dit que tu l'aimes et dit que non, moi non plus. Et c'est l'acte de mariage. Ça ne se trouve nulle part. Tous disent je l'aime. Et on dit pour le meilleur et ils finissent pour le pire. Quand le pire entre, ils disent que jamais je veux le meilleur. Et donc c'est un problème. Et alors quand les gens se rencontrent, on fait ces jours-là, on fait des cérémonies, ils se rencontrent, ils font les vœux. Le mari donne le vœu. Bon, ça veut dire que vous voulez me chasser ce soir, vous voulez qu'on renvoie le thème, n'est-ce pas? Non, mon frère, non, reste. La majorité d'entre vous, vous qui êtes marié, vous devez souffrir de ces choses-là. Quand votre mari est infidèle, c'est désagréable. C'est désagréable. C'est désagréable. Et je voudrais que nous traitions ces choses parce que si le Saint-Esprit suscitait déjà des choses, c'est pour que ces choses soient résolues à fond. C'est désagréable. Il y a des causes donc à cela. Maintenant, donc, je dis, prenons donc les exemples d'un couple qui se marie et dès le départ du mariage, c'est aux anges. On dit, ça c'est un couple vraiment, ça donne le goût de marier. Mais quelques années plus tard, l'homme commence à être infidèle. Prenons le cas de l'homme, parce que c'est les hommes qui sont généralement infidèles. L'homme commence à être infidèle. La femme ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commence à se fâcher. Et puis, l'éloignement commence à se créer entre la femme. Quand le mari vient, il tourne le dos à sa femme. Même une petite chose, il y a irritation, il y a des querelles. Cette femme, c'est une façon de gérer. Si elle n'est pas chrétienne, ça va aboutir au divorce. Et sinon, on va commencer à prendre des conseils à la maison. Les mauvais conseils, comme l'autre conseil qui a conseillé notre soeur, va commencer à dire que bouffe son argent, tu quittes. Pour toi, quoi? Et maintenant, regardez bien les pièges qui s'y trouvent. Cet homme qui va dehors, il se pourrait qu'il porte le démon sur une femme, venez mettre sur vous. Il se pourrait qu'il porte des maladies, des sida, si ce n'est pas les syphilis ou bien toutes les autres choses, les chlamydia. Il vient déverser chance sur vous. Et entre-temps, la Bible te dit que la femme ne se soustrait pas de son mari. Vous voyez donc les choses, qu'il faut qu'on traverse ces choses en profondeur. Donc, si vous voulez qu'on travaille véritablement, vérifiez que votre micro ne dérange pas. Alors, donc, cette femme-ci, étant à la maison, soumise, écoute la Bible, lis la Bible, écoute les enseignements, voit qu'elle a une position entre dans la main du Seigneur, elle doit se soumettre. Et on dit, sa Bible ne doit pas, la Bible dit clairement qu'elle ne doit pas s'attendre à ce que son mari change, comme vous venez de dire là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette position? Entre temps, elle a des ressentiments contre son mari parce que notre cœur n'est pas fait entier. Malgré que vous priez, c'est qu'on fait, puisque vous aimez la personne, c'est à cause de l'amour que vous avez pour la personne et des choses que vous avez vécues qui fait le transcendre que cette personne-là, ce qu'il fait, vous fait du mal. Alors vous avez un grand Dieu, un grand sauveur. C'est un père qui peut chicoter. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus dit, c'est très important que chacun de vous, chacune de vous ait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parce qu'il chicotera votre mari. Et vous amène, et l'amènera à l'ordre. Mais si on continue sur l'aspect religion, on va commencer à prier, vous allez prier 15 ans, ça ne changera pas. Donc vous voyez effectivement que plus ces choses se passent, il faut s'attacher davantage au Seigneur pour que le Seigneur résolve le problème. Allons-y dans la Bible, dans lisons un cas. Prenons, ouvrons le livre d'1 Samuel. Où est-ce que ma Bible se trouve dans cette maison-ci? Samuel chapitre 25. Je ne sais pas qui a le son qui est clair là. Je crois que la sœur Hélène a parlé tout à l'heure, son son était clair quand elle me disait qu'elle n'est pas encore. Elle ne laisse pas. Comme ça, elle ne sait pas qu'il y a des femmes qui sont mariées là-bas. Donc la sœur Christiane, que le Seigneur vraiment te bénisse, c'est un véritable problème. Parce qu'en même temps, la Bible vous déclare que la femme soit soumise à son mari. Ouais, même ceux qui ont un caractère, même qui sont d'un caractère difficile, dit la Bible. Même si le caractère est difficile, soyez soumis à vos maris. C'est terrible. Même Dieu lui-même là, il nous a vu loin. Alors, 1 Samuel chapitre 25. Qui va nous lire cela? On va lire tout le chapitre. Doucement, doucement. La sœur Hélène, allons-y. Je fais mon micro juste parce que tu es lu. 1 Samuel chapitre 25. Oui, je vais faire mon micro juste parce que tu es lu. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Moan un homme fort riche, possédant des biens à Marmel. Il avait 3000 brebis. T'as pas de Marmel là, tu vas sur à Carmel. À Carmel, ma soeur. T'as pas de Marmel là, tu sais que j'ai revu là. Brebis. Pardon, mon frère. C'est à Carmel. T'as pas de ville là-bas, c'est Marmel. Se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens de figure. Soulignez bon sens et belle de figure. Ces deux aspects-là, nous allons travailler là-dessus, Dieu voulant. Remarquez la description de la femme. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Stoppons donc là-bas et regardez-moi. Il descendait de Caleb. Ah là, voilà. David a pris. Elle entend même. Ma soeur, la soeur Hélène, je ne sais pas si la soeur Hélène nous entend. La soeur Julie, elle est bloquée, je crois. La soeur, qui parle là devant? C'est la soeur Suzanne Claudon. Ton son est vraiment dandy. Je ne sais pas si la soeur Julie parle, voir ton son est comment? J'aime le bébé Isaac avec moi, mon frère. Je peux pas lire. Non, c'est grave, oublie. Je peux lire, mon frère, si c'est possible. Je peux lire. C'est si qui? Ma connexion. Qui parle? C'est Merveille. C'est Merveille. Ok, mais c'est Merveille. Remarquez bien, à partir du verset 3 et 4, enfin, le verset 3, la Bible nous, à partir du verset 3, la description des acteurs dont on a voulu faire montrer, on donne les descriptions et les caractéristiques. On dit que sa femme s'appelait, il y avait un homme qui était riche. Voilà, il y a la richesse. Vous voyez la richesse. Puis, on dit qu'il s'appelait Nabal. Nabal, son nom a une signification. Abigail, son nom a une signification. Puis, on s'arrête sur Abigail. On dit que c'était une femme de bon sens. C'est terrible comme appréciation. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Donc j'ai demandé de souligner bon sens et belle des figures. Parce que tout à l'heure, après avoir quitté ici, être quitté ici, nous allons aller dans les Saintes Écritures. Je vais vous donner des passages, on va lire. Vous allez voir la conséquence d'être belle sans être de bon sens. Ce que la Bible dit de vous. Et le pourquoi Dieu met ces personnages dans la Bible afin que nous copions. La deuxième chose maintenant, on dit que cet homme-ci était riche et sa femme était de bon sens, belle de figure. Maintenant, continue ma chère sœur. Lis encore le verset 3 avant de continuer le verset 4. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Stoppons là-bas. Donc, regardez bien. Cet homme-ci, non seulement était riche, c'était un homme riche vraiment de la contrée, mais il était dur et quoi, et méchant dans ses actions. Nous nous trouvons effectivement ici dans un cas de couple de 1 Pierre chapitre 3, n'est-ce pas mes chers? On va voir donc maintenant, il faut au préalable que, enfin par la suite vous allez travailler là-dessus, vous essayez de chercher le pourquoi. Dans ce texte, parce que c'est près de 40 versets, vous essayez de chercher le pourquoi on appelle Abigail. Pour la beauté, c'est autre chose. Bon sens, femme de bon sens. Et pourquoi le Saint-Esprit l'appelle bon sens? Et comment? Et vous voyez que ce n'est pas au juste seulement que vous allez être chrétien et vous tombez entre les mains de quelqu'un qui vous dérange. Voici donc le cas biblique qui se trouve. Donc il y a un personnage dans la Bible qui était un personnage, une femme, qui craignait Dieu, mais qui a épousé un homme riche. De la façon extérieure, quelqu'un peut dire Abigail vit bien. Mais on ne sait pas ce qu'elle vit dans le foyer avec cet homme-là. On ne sait pas ce qu'elle vit dans le foyer. Vous pouvez la voir dehors comme ça, elle sort avec la Mercedes, avec l'infinite. On dit, Abigail vit bien, qui me met à sa place. Entre temps, elle vous voit comme ça, vous mangez l'amour et vous buvez l'eau fraîche entre vous deux. Vous n'avez rien à faire en tant qu'amour, amour de la jeunesse. Elle dit, je souhaiterais vivre ce genre d'amour-là. Mais ce genre d'homme, c'est un homme qui est à caractère difficile parce qu'il ne prend pas plaisir ou bien ne prend pas son renseignement sur quelqu'un. Il a son argent. Il peut faire ce qu'il veut, il peut sortir avec n'importe quelle femme qu'il veut. Il peut aller n'importe où, faire n'importe quoi. Il vient à la maison, c'est un dictateur en quelque sorte. Et là, maintenant, la Bible déclare que son femme est une femme de bon sens. Imaginez ce genre de foyer. On dit que cette femme, c'est la femme est une femme insensée, dans une maison avec un homme méchant comme ça. Vous voyez que c'est la flamme de feu dans cette maison-là. C'est pourquoi Dieu fait ces choses-ci. C'est parce qu'en réalité, cet homme-ci, son caractère doit être transformé par sa femme. C'est pour ça que Dieu permet que les personnes comme ça se marient. Il faut que vous compreniez cela. C'est pour ça que Dieu fait de telle sorte que si vous voyez une femme douce, calme, son mari est tellement bruyant, il dérange. Le but pour lequel Dieu fait, c'est pour prendre ce caractère de cette femme-ci, pour aller détruire le caractère que l'autre homme là a. C'est pour ça que Dieu, vous remarquez très attentivement que vous pouvez s'aimer. Regardez les jolies fleurs. Quand vous voulez s'aimer les fleurs, pour ceux qui ont fait dans le champ, quand vous voulez s'aimer les cultures, on prend comment vous appelez ça en français, le nimbus, le manioc, ces fertilisants-là, les choses qui sont pourries, on met quelque part pour que ça puisse faire sortir. Et dans les déchets, vous voyez les champignons pousser. Ces champignons sont tellement doux et tellement bons. Dans les déchets des chèvres, déchets de tous les autres chiottes là, c'est là où les fleurs sortent. Dans la poubelle, vous allez dans la poubelle. Vous pouvez fermer vos nœuds, mais là, les fleurs sortent là-bas. Dieu fait sortir des jolies fleurs au milieu des poubelles. Vous voyez? Donc Dieu veut faire transformer le caractère. Vous allez voir, il est méchant, il est comme ça, il est dur. Ça, c'est l'appréciation humaine, mais on ne sait pas quel est le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu permet que ces jeunes couples se rencontrent. Maintenant, alors, entrons dans le couple et regardons dans l'histoire. Continue, ma soeur. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Stoppons d'abord là-bas, ma soeur. David était en cavale, il avait eu à sa solde tout un gang. Donc c'était un chef de gang avec des chevaux et des couteaux. C'était un homme de guerre. En tant qu'homme, il pouvait attraper ses brebis, les brebis de Nabal dans le désert et manger puisque personne ne peut lutter. Nabal n'est pas l'armée. Et celui qui a le groupe d'armées qui peuvent aller faire des exactions dans les camps, faire la razzia comme Mohamed le faisait pour les caravanes qui venaient en Arabie à la Mecque à l'an 650 en faisant les différentes guerres, les différentes sorties. David pouvait le faire en prenant les brebis qu'il veut. Il arrache, personne ne peut le faire. Mais il a emmené la salutation, la paix dans la maison. Saluer le personnage de la maison, saluer même que la paix soit sur vous. C'est un jour de joie, un jour de paix. Qu'on trouve grâce à tes yeux. Donne à tes serviteurs quelque chose. C'est que tu auras, il n'y a pas imposé un truc. C'est que tu auras sous la main pour que nous nourrissons. Vous avez vu la diplomatie, n'est-ce pas? Vous avez vu la façon dont il a mis la chose. Mais souvenez-vous, en tant que chef bandit, il pouvait arracher cela et rien de lui arriverait. Mais le Saint-Esprit, un de ceux qu'on va toucher pour le cas des hommes, je vais y revenir sur ces passages-ci pour que vous voyez ce que le Saint-Esprit nous dit derrière. Maintenant, suivons maintenant attentivement la réponse de l'homme Nabal tel qu'on a présenté en haut. Allons-y. Verset 10. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mettre en main, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais pas d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qu'il est rudoyer. Stoppons là-bas, ma soeur. Donc, d'après ce qu'on est en train de voir, petit à petit, on est en train de voir la contrée, on est en train de voir la maison. Donc, cet homme, c'est effectivement un homme riche, il a les tondeurs. Tondeurs, ceux qui enlèvent les brebis, vous savez, les brebis ont des choses sur le corps, les poils là. Il faut les tondre. On les tond pour pouvoir faire les vêtements et toutes les autres choses avec. Il a les serviteurs à la maison. Donc, ça devrait être normalement un homme riche comme Abraham. Abraham, qui avait près de 350 serviteurs. Donc, c'était un homme riche. Maintenant, regardez bien, un des serviteurs, il ne va pas vers Nabal. Donc, c'était un homme qui avait vraiment de la réputation, parce qu'il a entendu ce qui s'est passé. Il va vers la femme de la maison. Vous remarquez comment la femme est le gendarme de son foyer, n'est-ce pas, mes chers? Ça veut dire que vous êtes là, les femmes, pour couvrir l'état, les dégâts que peut causer votre mari. Vous voyez? Vous êtes là pour couvrir l'état, les dégâts que peuvent, les fautes de vos maris doivent être couvertes pour que ça ne se voit pas aux yeux du monde. Maintenant, si cet homme-ci allait vers Nabal pour lui dire que Nabal, non, ce que tu as fait n'est pas bien, mais toi là, c'est toi qui es venu le maître de cette maison-ci, à partir d'aujourd'hui, ton travail finit ici. Mais elle est passée parce qu'il savait effectivement que la seule possibilité maintenant pour sauver cette maison-ci, c'est la femme. Vous voyez le pouvoir que vous avez, mes femmes, mes soeurs, dans la maison. Maintenant, regardez bien, souvenez-vous de ce qu'on a dit d'Abigaïl, qu'elle est une femme de bon sens et belle de figure. Elle n'est pas seulement belle parce que la Bible déclare que la beauté est vaine. Vous voyez, n'est-ce pas? Et la grâce est trompeuse. Mais c'est celle dont là qui craint l'éternel qui sera louée. Comme le Proverbe chapitre 31 le dit. Alors, remarquez bien encore une fois de plus la façon que le Saint-Esprit possède la chose. Le monsieur qui est un des serviteurs de la maison ne va plus vers Nabal parce que Nabal a roudoyé les gens que David a envoyés. Maintenant, David dit saint ton épée. Et remarquez très exactement qu'il est venu avec 400 personnes pour venir dans une maison où il y a des choses. Il devait passer au fil de l'épée tout ce qu'il y a maintenant. Et donc, 200 personnes restent près des bagages. Donc, ça veut dire que David avait un groupe d'armées. Il pouvait donc attraper n'importe qui, il pouvait passer n'importe où, prendre n'importe quel brebis et manger. Il n'a pas voulu faire cela. Parce que c'est qu'il y a un Dieu au ciel qui est juste. Maintenant, cet homme-ci qui est serviteur de la maison va vers la femme. Je veux que vous compreniez maintenant. Si cet homme-ci va vers la femme pour lui parler, pour lui adresser la parole, ça suppose qu'elle dit le dernier recours maintenant, c'est la femme. La femme dont est gendarme dont de son foyer. Si votre mari fait des erreurs à la maison, c'est à vous de corriger. Mais il y a la manière de corriger. C'est l'une des raisons pour laquelle on appelle le bon sens. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre votre main sur lui devant lui. Tu dis que toi, tu as vu ta faute que tu as fait là-bas. On te laisse chaque fois que tu échoues. Si ce n'est pas moi, la maison, c'est vrai, tu devais se renverser. Ce n'est pas comme ça. Allons-y doucement. Continuons la soeur merveille. Verset 6, 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour suivis de murailles tout le temps servi que de, nous servi, avons servi été de, avec servi eux. Servis de murailles, servis de murailles, donc de protection. Comme c'était de l'armée et que les troupeaux de Nabal étaient là, ils étaient, on ne pouvait pas voler parce qu'il y avait les gens en armes à côté d'eux. Donc, c'était comme des gardes du corps de Nabal, des troupeaux de Nabal, oui. Mm-hmm. Continue, ma soeur. Ils ont servi de miracle tant que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Stop. Vous entendez la façon que le Saint-Esprit présente le personnage, n'est-ce pas? Donc, un si méchant homme qu'on ne, personne ne peut le conseiller. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas, il se suffit, il n'a pas d'avis à prendre de quelqu'un. Et voilà donc là où une femme douce, de bon sens, va se retrouver. Donc, ma soeur Christelle, je crois que je l'ai vu déconnecter tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est reconnectée, que ça s'est reconnecté. J'aurais souhaité vraiment qu'elle fût là. Donc, ma soeur Christelle, si elle se trouve, si tu es là, fais-moi signe. Alors, voilà donc. Merci, bienvenue. Que Dieu vraiment te bénisse pour ta question. Donc, voilà donc ce qui se passe. Vous ne devez pas à un moment donné vous dire, ouais, c'est quelle malchance qui m'a fait tomber sur le mari, ce mari-ci. Votre empreinte digitale, et le Seigneur a dit que tous les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Donc, le Seigneur sait exactement pourquoi il a permis que l'un et l'autre se rencontrent. Pour que telle chose se passe comme telle ou telle chose se passe. Vous posez la question à Abigail. Elle va dire, Nabal est un homme méchant. Continue, ma soeur, continue. 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Stop. Soulignez ce passage-là, soulignez et encadrez bien et puis vous regardez maintenant parce qu'il veut commenter. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà, maintenant, si vous avez souligné, vous me regardez, vous parlez. Regardez donc, en tant que gendarme de son foyer, la femme de bon sens doit gérer les conflits potentiels et les dangers qui pourraient faire exploser son foyer avec diligence, minutie, tact. De telle enseigne que elle peut désamorcer des bombes sans pour autant dénoncer la bombe. Vous pouvez résoudre le problème avec un problème qui était crucial, qui pouvait faire éclabousser votre foyer, votre notoriété, même la notoriété de votre mari. Souvenez-vous de ceci, la personne, si elle est méchante, méchante dans ses actions, dans sa façon de faire. Et là maintenant, s'il arrivait qu'on se retrouvait dans cette époque, c'est avec les pantoufles d'aujourd'hui. Enfin, si vous avez lu ce passage, vous savez ce qui arrive. Parce qu'on dit que la résolution, la perte de ce foyer-là est résolue. Maintenant, quelqu'un, cette femme, si pouvait, elle avait la possibilité là, puisqu'elle a l'information, n'est-ce pas, mes soeurs? Abigail a l'information que le foyer doit être détruit, que l'armée est en train de venir pour détruire le foyer. Elle pouvait juste prendre ses serviteurs, là, prendre ses enfants, pas vrai? Et fuit et partit. Et laissons tuer cet homme-ci maintenant. La Bible déclare que si son homme meurt, elle est libre de se marier avec n'importe qui. Elle dit maintenant, ouf, Jésus m'a sauvé, ouf, je suis enfin libre de ce tyran, c'est pas moi qui l'ai tué, pas vrai? Elle serait responsable devant Dieu de sa mort. Vous savez pourquoi, mes soeurs? Parce qu'en tant que femme dans le foyer, elle a la responsabilité de sauver son mari quand elle a l'information. Vous voyez, la femme de bon sens. Donc elle ne doit pas rester sur son laurier en disant que, ok, comme il a dit comme ça, là, mieux on le traite. Parce que la résolution, c'est que, enfin, David dit que Dieu me traite de toute sa rigueur si quelque chose se reste de sa famille et de toute sa famille. Donc dans cette déclaration, y compris elle, parce qu'elle est partie, c'est le premier membre de la famille, c'est elle. Donc si elle entend ces choses, si elle se soustrait À ce point, elle a vu le peuple venir, elle n'a pas mis la protection dans sa famille. La femme est le véritable gendarme du foyer. Remarquez bien l'information qu'elle a eue, c'était le premier plan, parce que les gendarmes dans la cité sont les gens qui ont, ce sont des agents de renseignement pour pouvoir désamorcer les choses. Normalement, quand il y a un coup, de grand coup dans le foyer, enfin dans les villes, les gendarmes doivent être au courant. C'est pour ça qu'il y a des agents de renseignement au milieu de la gendarmerie. On appréhende des terroristes. Vous entendez dans votre télévision qu'on a appréhendé des terroristes qui s'est préparé à faire des coups. Vous dites, comment le terroriste a préparé à faire des coups? Il n'est pas allé à la télévision pour dire comment le gendarme a fait pour être au courant. Ce sont des agents de renseignement. Faites tout pour désamorcer la bombe avant qu'elle ne s'explose. Regardez Abigail, regardez son comportement. Alors, elle prend combien de peur? Elle mit verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Amen. Et bon. Elle dit à ses serviteurs. C'est bon. Donc, vous voyez que la quantité des choses qu'on prend ici, vous remarquez bien la quantité des choses qu'elle a prises là pour aller vers David. Donc, ça devait être vraiment une famille riche. La première chose maintenant, l'autre chose à regarder ici, c'est que elle l'a fait. C'est pour ça qu'il voulait insister. Gardez bien le verset 18. Gardez bien le verset 18. Parce que ce sont les choses qui révèlent son caractère de bon sens dont la Bible parle. On n'a pas dit que Abigail, ne croyez pas qu'en donnant le nom Abigail à un enfant, il serait de bon sens. C'est la façon de la réaction qui a fait de telle sorte qu'on puisse comprendre qu'elle est comme ça. Maintenant, c'est pour ça que c'est sur ce point-ci dont je voulais vous expliquer quelque chose. Remarquez que le verset suivant, le verset avant, le verset 18 de ce 1 Samuel chapitre 27 dit qu'il est tellement méchant qu'on n'ose pas lui parler. Donc, quand vous connaissez le tempérament de votre mari, prenez un exemple simple. Quel est l'exemple que vous devez prendre? Supposons par exemple que vous prenez quelqu'un chez vous, ou bien votre mari prend quelqu'un chez vous. En tant que femme, vous êtes mariée, ou bien une jeune fille, vous êtes chez vous, ou bien n'importe qui. Je vais prendre ce cas spécifique. Vous avez un mari qui amène son petit frère à la maison, et que son petit frère commence à vous draguer étant à la maison, veut coucher avec vous, sans que son mari ne soit au courant. Je peux prendre mon exemple, mes soeurs, sans que vous me dérangez, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Et donc maintenant, vous avez un mari qui vous dérange. Il est méchant comme Nabal là. Il est un Nabal en miniature. Il vous dérange. Vous faites n'importe quel bien, il vous dérange. En détail, il y a son petit frère à la maison qui vous harcèle. Et vous savez effectivement que vous ne pouvez pas faire cela. En détail, il vous délaisse même pour des copines. Celui-là vient, je vous dis, si tu connais ta copine comme ça, ton mari a couché avec. Vous savez que quand il en fait ses renseignements, il donne ses renseignements, c'est pour isoler davantage son mari vis-à-vis de vous, pas vrai? C'est son frère ici. Ça, c'est le frère de son mari. Vous gérez ces problèmes-ci comment? Voici un exemple par exemple. Allez-vous dire à votre mari que ton petit frère me drague, il veut coucher avec moi, il m'a même dit que tu as couché avec telle personne, vous allez faire cela. Vous savez effectivement que si vous réagissez de cette façon-ci, vous allez créer des tensions dans la famille. Attendez que c'est votre belle-mère entend cela. Vous allez voir. En tout cas, quand on va toucher le cadre des belles-mères, le rassemblement des belles-mères, on va voir toutes ces choses en détail ici. Je prends juste un exemple comme ça. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a des problèmes que vous pouvez résoudre sans que votre mari ne soit au courant, comme dans le cas nous sommes en train de voir ici. Parce que si son mari est au courant ici, ces 200 points ainsi de suite ne bougeraient pas de la maison, pas vrai? Ou mieux encore, Abigail ne quitterait pas même pas, en tout cas, elle ne rentrerait même pas de la maison. Mes soeurs, j'espère que vous m'avez bien entendu. Donc, il y a des gestions de crise à la maison que vous pouvez gérer sans l'avoir de votre mari, sans pour autant l'informer. Parce que si vous l'informez tôt ou tard, vous allez en payer le prix. Parce que ce sera donc le mauvais sens. Le bon sens voudrait que tu résous cela et tu laisses cela entre les mains de Dieu. Il y a des problèmes, je recommence encore. D'après ce que nous allons lire dans le verset 18 et que nous allons lire par la suite, il y a des problèmes que si vous voyez qu'en gérant ces problèmes et que votre mari soit au courant, ça va davantage créer des problèmes plus que le problème que vous avez géré. Vous gérez le problème, vous résolvez le problème sans pour autant jamais mentionner à votre mari. Parce que si vous mentionnez, ça va créer des problèmes. C'est donc ça, la femme de bon sens. Voilà la caractéristique principale de la femme de bon sens qui désamorce la bombe chez elle. Sauf son mari des différentes dettes. Il y a des femmes, par exemple, que son mari peut être dans les dettes. Vous avez votre économie quelque part sans que votre mari ne connaisse. Vous allez pas derrière, vous allez gérer la dette, vous payez sa dette, vous restez tranquille. Le jour qu'il découvre, vous allez voir de quoi il est question. Il va vous porter comme ça sur le trophée. D'accord, mes soeurs. Ne vous fâchez pas, c'est la Bible. Oui. Est-ce que je peux donner un petit témoignage par rapport à ce qu'on est en train de dire? Oui, nous sommes au verset 18 et 19. Allons-y maintenant, donne le témoignage, ma soeur. Donc, quand on était encore dans le monde, quelques mois avant que tu nous sois, comme mon mari, bon, il faisait les affaires avec sa famille, donc parfois il y avait des prises de tête, comme sa mère gérait beaucoup de choses. Donc un jour, il s'est vraiment pris la tête avec sa mère, il a crié sur elle. J'ai senti comment sa mère était vraiment énervée. Et quand il est sorti de la maison, j'ai vite fait d'appeler sa mère pour demander pardon. Pour demander pardon à sa place et lui expliquer que bon, s'il a eu à crier, c'est parce qu'il est fatigué, il a beaucoup de choses. Trouver les excuses en fait. Et sa mère était tellement contente qu'elle m'a remercié parce qu'elle était déjà en train de... Elle partait déjà sous un ton radical en fait. Au point où de vraiment faire les histoires à son fils, elle avait décidé de ne même plus jamais l'appeler parce que même s'ils font les affaires ensemble, elle reste quand même la maman. Donc ça l'a tellement apaisé que voilà, elle m'a remercié. Et quand il est revenu, je lui ai dit, voilà, tu n'aurais pas dû parler à ta mère comme ça. Ce que tu as fait n'était pas bien. Mais j'avais déjà appelé sa mère pour demander pardon. Et un autre cas avec son patron qui voulait toujours le déjouer dans les affaires. Un jour, il est rentré à la maison tellement énervé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il a failli taper sur son patron. Heureusement, il avait le bébé en main. Et il s'est vraiment fâché avec lui. Et ce jour-là, quand il arrivait à la maison, il était peut-être 19h. Je lui ai dit, demain la voiture, on repart là-bas. Et on était au moins à 40 km de distance. Il me dit, comment ça? Je lui ai dit, non, demain la voiture, on y va. On peut pas, tu peux pas dormir. On peut pas dormir dans cette situation. Et grâce à Dieu, il m'a écouté. Et puis on a redémarré la voiture, on est arrivé chez eux. Ils étaient étonnés, ils me disent, mais pourquoi vous venez ici et tout ça? Je dis que non, parce que ce qui s'est passé dans la journée, mon mari m'a raconté. Et on ne pouvait pas dormir, je ne pouvais pas le laisser dormir comme ça. Et là, ils se sont expliqués. Et jusqu'à ce qu'ils se sont embrassés, ils se sont demandé pardon. Son patron a demandé pardon. Lui aussi, il a demandé pardon. Ils se sont embrassés. Et c'est comme ça qu'on est rentré chez nous dans la paix. Et ceci, c'était avant la conversion. Donc, c'est quand tu expliques là que je suis en train de comprendre vraiment. Donc, avant d'être chrétien, tu étais Abigail Julie Ngabo. Enfin, non, je le faisais par instinct comme ça, mais c'est quand tu expliques maintenant que je comprends bien mon frère. En tout cas, le bon sens devrait être inné à l'intérieur. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. C'est parce que je ne suis pas seul. Il devait applaudir comme ça avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est de ça dont il est question, d'accord? Donc c'est avec le respect donc qu'il peut t'appeler donc désormais Abigail Julie Ngabo de 2 rue Bougainville, n'est-ce pas? Non frère. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant prenons le cas de ta belle-mère parce que nous allons voir cette faisons justement un glissement de thèmes. Vous savez qu'il y a le glissement des dates. Maintenant faisons le glissement des thèmes. Alors ce que j'en ai dit c'est prenons le cas de ta belle-mère. Supposons par exemple que tu avais profité de cet écart-là, peut-être que dans le passé, peut-être ta belle-mère t'avait frustré d'une façon ou d'une autre. Et tu vois maintenant que tu profites donc de cette occasion, parce que c'est ce qu'Abigail pouvait également faire ici. Voici une occasion qu'on veut détruire son mari qui, généralement, est méchant, crie sur elle n'importe comment, il ne comprend pas. C'est une occasion pour que Nobel meure. Toi également, tu pouvais prendre cela, si jadis vous aviez des intercations avec ta belle-mère ou bien une incompréhension, et qu'il y a une injustice dans le cadre de votre rapport, et que maintenant son propre fils maintenant prend des décisions radicales. Imaginons par exemple que si tu n'avais pas été une femme de bon sens, tu profites de l'âme pour dire qu'il t'avait toujours dit que ta mère est une méchante femme. C'est voilà ça maintenant que même toi-même, ton propre fils, il veut te faire cela. Vous voyez là, on s'est retrouvé. Tu devais créer un conflit entre des familles comme ça. Et plus tard, malgré que tu n'as pas été présenté devant ta belle-mère, elle sera en train de dire que c'est sa femme qui l'empoisonne comme ça. Voilà les conflits générationnels qui se mettent comme ça dans le foyer. Et avec ce petit coup de téléphone, maman, pardonne à mon mari. Il était parce qu'il est trop fait ces choses, il est trop occupé et puis le stress de trop, il travaille beaucoup, il est trop fatigué. Ça a calmé et apaisé. Et maintenant, il s'embrasse, pas vrai? Puisse le Seigneur te bénir, puisse le Seigneur vous bénir. Et j'attends des témoignages dans ce sens-là également. Désamorcer les bombes chez vous. J'ai quelque chose à dire, frère Julien, ma soeur Karine, c'est possible? Oui, parle, ma soeur. Ok. Il y a. Une semaine de cela, quand on était en prière avec les sœurs, le Seigneur nous a aussi interpellés sur l'attitude de la femme envers sa belle-mère. Il nous a ordonné de d'aimer nos belles-mères comme Ruth a aimé sa belle-mère. Voilà. Et il nous a, on a demandé pardon pour notre attitude par rapport à nos belles-mères. On a demandé pardon par rapport à tout ce qu'on leur faisait. Même si c'était pas, même si on ne voyait pas, mais dans le cœur profondément, on péchait contre l'Éternel. Et il nous a demandé de nous repentir de ce qu'on a fait et de commencer à aimer nos belles-mères de la même manière que Ruth a aimé sa belle-mère. Et il disait que ce n'est que en faisant ça que le cœur, que c'est un des moyens aussi pour toucher le cœur de nos maris, là-dessus qu'on a envers leur mère. C'est très important. Donc je voulais aussi souligner ça et confirmer un peu ce que les témoignages de la sœur Julie, quoi. Amen. C'est très important d'aimer nos belles-mères. Ce sont les mamans qui ont élevé nos maris. Et on leur doit du respect. Et le respect qu'on leur donne. Vous venez les arracher comme ça là. Oui, le respect qu'on donne à ces mamans-là, nos maris, automatiquement, vont reconnaître des femmes vertueuses, des femmes vraiment pleines d'amour, remplies du Seigneur. Et nous allons également voir, quand nous allons ouvrir ces domaines-là, qu'en réalité, il y a cette belle-mère qui, dès le départ de votre rencontre, ne vous aime pas. Et quel que soit le cas que vous devez faire n'importe comment, elles vont toujours mener la vie, même si vous faites n'importe comment, elles vont dire c'est le piège, que vous devez l'embourber dans ces choses. On va voir tout cela. Ça se passe dans la femme, dans la sainteté. Nous allons voir qu'à tous les niveaux, il y a des problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Et même les beaux-pères, nous parlons de belles-mères comme ça, vous pouvez dire, il y a les beaux-pères encore, c'est très grave encore pour d'autres encore. Alors, quelqu'un a un autre témoignage avant qu'on nous continue au verset 19. Frère Junior. Oui. Oui, une petite bifurcation. Vu que tu as pris un exemple tout à l'heure en disant que si, par exemple, le mari, il a une dette et que la femme passe par derrière pour payer la dette et qu'un jour, il se rende compte que c'est la femme qui est partie payer la dette. Donc, du coup, il y a une situation qui, voilà, que je connais une personne qui vit. La personne est mariée. Et la femme est mariée. Et cette femme-là, elle fait ses petites économies qu'elle met de côté tout le temps. Et son mari n'est pas au courant. Donc, il est arrivé un temps où le mari était dans des problèmes d'argent. Et la femme est passée par derrière, prendre les sous et venir donner au mari, soi-disant elle avait prêté à une amie, justement pour que le mari puisse acheter des marchandises ou puisse régler les problèmes qu'il avait. Mmh. Oui. Donc, dans cette situation-ci, la femme doit avouer à son mari que voilà, ce sont ses sous ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin de lui avouer que ce sont sous. Il y a la façon de parler de soi sans parler de soi. Dans la Bible, Dieu parle de quelqu'un d'autre, de lui-même en parlant comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Il y a des façons de parler. C'est ça le bon sens justement. Vous pouvez ne pas mentir sans dire la vérité. Vous voyez comment c'est complexe, n'est-ce pas? Quand le Seigneur, quand le Seigneur se tient debout, il parle de lui. Les gens croient qu'il parle d'une autre personne. Et quand le fils de l'homme s'en va, quand il parle de fils de l'homme s'en va, c'est lui qui écrit. Les gens disent, mais qui est ce fils de l'homme? Pourtant, il parle de lui. Donc, utilisez le langage biblique et soyez dans le bon sens. D'accord? D'accord. Mon frère, oui. Et maintenant, parce qu'il y a un mensonge au niveau où la femme a menti que voilà, l'argent a été prêté peut-être à une amie, mettant le nom de l'ami devant pour se couvrir. Donc, là, maintenant, elle a mis le nom de l'ami. C'est une autre chose. C'est-à-dire qu'à un autre ami, elle-même, elle peut être son propre ami. Elle prend l'argent maintenant, que cet argent, si j'étais prêt, ça va revenir. Elle donne à son mari, elle n'a pas menti là. Mais c'est dans le nom de quelqu'un, elle a menti. D'accord, ma soeur? Donc, soyez des femmes de bon sens. En tout cas, si on ne veut pas vivre, comment on va savoir tout cela donc? Donc, vous voyez effectivement qu'elle a été de bon sens jusqu'à un moment donné, elle a gâté, n'est-ce pas? Voilà. Et quelle était la réaction de son mari? En tout cas, pour lui, il voulait l'argent. Le mari ne sait, jusqu'à nos jours, le mari ne sait pas que c'est des sous de sa femme, en fait. Mm-hmm. Bon, mais de toute façon, la femme a été très sage parce qu'elle a désamorcé les bombes. Parce que cet homme-là, si c'est quelqu'un qui touche souvent l'argent, que sa tête chauffe, il vient à la maison, tu vas voir qu'il va bousculer tout le plat à la maison. Qu'elle ne soit pas l'argent, là, il va voir. Alors, on continue ici, verset 18 et 19. Autre chose encore, mes soeurs. En fait, donc, du coup, mon frère, la femme aujourd'hui en question, elle veut dire la vérité à son mari, mais elle a peur de la réaction du mari parce qu'elle dit, si je lui dis que c'est mon argent, oui. Son mari n'a pas encore remboursé. Si, il est en train de rembourser. Et il a encore l'argent, non? Mais lui, elle a encore cet argent. Dis-lui que le problème n'est pas encore fini, qu'elle va encore résoudre le problème, qu'elle soit gendarme, d'accord? Parce que si le mari se connaît maintenant qu'elle est allée regarder l'argent, c'est que maintenant chaque problème, elle dit que dis-moi, tu as l'argent gardé. Soyez sage, d'accord? Amen. Soyez sage. Amen. Ah, les femmes dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment sage. Tout simplement, il vous dit, la Bible, si vous lisez la Bible, vous y demeurez dans la Bible, la sagesse viendra dans votre cœur. Quel que soit le problème qui va venir, vous allez résoudre avec sagesse. Non seulement vous allez résoudre le problème avec sagesse, mais vous allez résoudre avec sagesse sans blesser autrui, sans blesser ton entourage, mais en disant la vérité, la sagesse de Dieu, de la manière de Dieu. Dieu vous donne la sagesse dans un conflit pour vous résolver le problème tel qu'il le veut. D'accord, mes frères et sœurs? Mon frère Junior. Oui, c'est qui? Frère Junior. Et maintenant. C'est qui? C'est la soeur Paul. Je voudrais terminer. Vas-y. Avec. Oui. Et maintenant, la personne qu'on a menti que c'est son argent, étant croyant aujourd'hui, quelle doit être l'attitude envers. Envers les deux personnes, envers le couple. Ce n'est pas elle qui est le problème, c'est la femme qui est le problème. C'est le gendarme qui n'a pas su comment charger son arme. Donc c'est à elle qu'il faut parler, d'accord? On va causer de cela après, d'accord, ma soeur? Amen, merci, mon frère. Une fois de plus, elle peut rectifier ça dans son mari. Oui, attendez. Elle peut rectifier ceci devant son mari sans que sa soeur, sa camarade ou son ami ne soit incrusté là-dedans, sans que son mari ne sache exactement de quoi elle est question. Elle peut toujours résoudre cela sans que ça ne crée problème, et sans que ça ne crée problème dans son prochain porte-monnaie. D'accord, mes soeurs? Il y a la sagesse pour résoudre. Merci, mon frère. Oui. Quelqu'un vous parlait là-bas en fond sonore. C'était qui? Oui, c'était ma soeur Marie-Josée. Oui, ma soeur, bonsoir et bienvenue. Oui, shalom, mon frère. Dis-nous. Tu as touché un cas très profond sur ce qu'on n'a pas lu, les 1 Samuel chapitre 25, c'est tout. Alors que je voulais qu'on le commence. Je serai bref, mon frère. Tu as touché un cas très profond par rapport à nous qui avons des maris non convertis. C'est vraiment difficile. C'est pas moi, c'est Christian qui a amené ça. Ma belle-mère, puisque. Oui, frère. Ça bouillait. C'était comme le feu dans nos cœurs. Donc, ça a juste explosé. Ma belle-mère, elle est malade. Elle a des problèmes de tension et tout et tout. Dernièrement, ça n'allait pas. Comme actuellement avec mon chef, bon, il ne me parle plus, il ne m'appelle plus. C'est moi qui faisais des efforts et après aussi, j'ai vu que ça ne valait pas la peine. Puisque ça me fait seulement beaucoup plus mal. J'étais au courant donc qu'elle est malade. Dernièrement, on avait pu régler un peu financièrement. J'ai eu dans les cris. Il a vu, mais il a fait comme s'il n'a pas vu. Et le jour où il a appelé, je lui ai demandé, est-ce que tu as donc appelé pour savoir si la mère, ça va mieux? Il dit qu'il a appelé. Je lui ai dit, bon, tu as compris comment tu as envoyé l'argent? Il me dit, non, il n'a pas l'argent. Il est resté tranquille. Et tout. Il a fait ce que voulait faire et puis il a rapproché. Depuis lors, on n'a plus jusqu'aujourd'hui. Dernièrement, donc, quand je méditais, le Seigneur m'a repris que ce n'est pas parce que ton mari se comporte de la sorte que toi aussi tu vas négliger ta belle. Si aujourd'hui il n'est plus, qu'il ne soit plus là, qu'il soit en train de former notre vie, quoi que ce soit, c'est la grand-mère d'été. Donc tu dois prendre soin d'elle comme ta propre maman. Essaye de créer le contact comme on veut. Tu peux t'occuper d'elle à ton niveau comme tu peux, frère. Ça m'a d'abord fait bizarre. Je suis un peu rentrée sur moi-même. Quelques jours après, les mêmes paroles sont revenues. J'ai donc contacté le grand frère de mon mari. Il m'a donné le numéro de la tante, donc la soeur de ma belle qui allait au village. Donc c'est par là maintenant que je passe pour prendre soin d'elle. Je n'ai pas besoin de dire cela à maman, puisqu'on on le communique même. Et j'ai senti une paix intérieure. Vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur pour cette réticence-là que j'ai eue en me disant que c'est un mot pour lui. Si tu dois prendre soin de ta mère, ça lui dit rien. Bon, ok, je ne veux pas forcer. Mais le Seigneur m'a repris là-dessus. Prends soin comme tu peux. Prends soin. Le Seigneur me demande d'aimer. Donc, je me suis repenti. Maintenant, j'ai décidé de prendre soin d'elle. À mon niveau, selon ce que le Seigneur me donne, le peu qu'il me donne, je prends soin d'elle comme je prends soin aussi de ma maman. Ne plus faire de différence entre les deux. Quitte à ce que mon mari ne soit pas avec moi, qu'il forme notre famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sainte femme. Et dit que ça veut dire que vous me donnez le courage de travailler. Peut-être que je vais travailler pour vous même 7 jours sur 8. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça porte des fruits. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être la sœur Monique va bavarder maintenant. La sœur Monique est où ici? Depuis, il entend, on parle de belle-mère, comme ça, il ne parle pas. Bon, frère, je suis là. Ah, qu'est-ce qu'il dit ici aujourd'hui? Oui, tu voulais parler? Oui, mon frère. Je vous ai dit qu'on n'a pas lu 1 Samuel chapitre 25 totalement ici aujourd'hui. Oui, dis-nous. Je voulais parler un peu le temps que le chef soit ressorti là. C'est pour ça que on voit comment tu parles, en fait, tu prends le couloir dans les maisons, tu fuis, tu prends les positions. Dis-nous. Moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à mon niveau là. Parce qu'avec un peu de recul, je me dis oui. Si mon couple vit ce qu'il vit aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans une famille où le dernier mot revient un peu à la belle-maman. Oh, je me souviens une fois ici, je crois que c'est la seule à qui se plaignait et tu as dit, quand ça ne va pas, si les beaux-parents ont une certaine réticence, il faut mettre les genoux au sol et crier au Seigneur. Bon, je n'étais pas dans le Seigneur, donc ça, je n'avais pas fait. Puis dans le couple, je vais vous dire clairement, on a fait rentrer Satan dans notre couple. Mais une fois qu'on arrive ici et que je connais le Seigneur, c'est là où ça commence à voir son effet. Ça commence vraiment à avoir son effet. C'est arrivé au niveau où on est là maintenant. C'est vrai que dans ça aussi, j'avais pris beaucoup de recul face à ma belle-mère. Parce qu'il y avait des choses que je voyais que je... Et tu la rendais responsable de certaines des choses qui arrivaient, quoi. Exactement, parce qu'elle n'arrivait pas à dire certaines choses à son fils. Enfin, moi, c'est ce que je m'étais dit. Que quand je me plains, elle n'arrive pas à dire à son fils la vérité. Et comme lui-même me disait souvent, si tu pars te plaindre et que moi, je vais me plaindre, c'est ce que moi j'ai dit qu'on va prendre en compte. Il s'agit de ma femme. Voilà. Donc, je l'avais vraiment mis sur le côté. Vraiment. Donc, dernièrement, comme la sœur Flore Karine a expliqué là, c'est même elle que le Seigneur avait saisi et nous a parlé. Jusque-là, je me demandais, mais comment, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, peut-être c'est elle que c'est les autres que ça concerne. Pas moi, en tout cas, mais Seigneur, si ça me concerne, brise la barrière, brise la barrière. Jusqu'à ce que, quand on a fini, elle me demande, les autres sœurs, la sœur Suzanne, me demande de lire le Ruth au chapitre 3, le premier verset. Donc quand j'ai lu ça, j'ai reçu comme une flèche. Là, j'ai commencé à pleurer, bavarder. Je me suis rendu compte que, en fait, je tenais ma belle-mère responsable sur certains aspects de mon couple. Il y a des choses que... En fait, il y a des projets que je ne peux pas faire avec mon mari, il fallait qu'elle intervienne. Donc, elle m'a donné le message du Seigneur, non, il faut arranger les choses avec ta belle-mère, prends-la comme ta mère. Et c'est aussi vrai que la veille de ce jour, j'avais dit au Seigneur, si quelque part, il y a quelque chose que je ne fais pas, s'il y a un message que tu veux me passer parce que dans mon cas, il y a souvent tellement de voix au point où je me demande mais quelle est même la voix, quelle est même la bonne là. Passe même par une sœur. Si tu le fais, moi j'agis directement. Je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas sur ça, j'agis directement. Donc quand elle m'a parlé, moi le lendemain, j'ai appelé ma belle-mère. À la grâce du Seigneur, j'ai appelé ma belle-mère, on a causé. Bon, je lui ai dit ce que j'avais dans le cœur. Je lui ai vraiment dit ce que j'avais dans le cœur. Et quelle était sa réaction? En fait, elle a utilisé un terme qui m'a rappelé un passage de Genèse aussi qu'on avait lu. Elle m'a dit, tu sais, quand ton fils te ramène une fille qui dit qu'il veut épouser, tu dis non. J'ai dit non, mais à un moment, je me suis dit que bon, écoute, je m'arrête à ce qu'il a dit. Peut-être que c'est Dieu qui le veut. Bon, mais elle a dit ça, mais elle n'a en aucun cas donné sa bénédiction. Mm-hmm. Donc, il y avait la main dans son cœur. Donc elle a accepté, elle a entendu ce que tu as dit, mais elle n'a pas voulu accepter ou bien ouvrir son cœur pour redire la chose ou bien se sentir concernée, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle m'a dit. Oui, mais c'est comme ça qu'elle m'a dit. Tu as fait ce que toi tu avais à faire, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce qu'il dit là. Vous avez fait votre devoir, ne faites pas et attendez quelqu'un de l'autre. Quelqu'un peut réagir un jour après, trois jours après, comme ça là, ainsi de suite. D'accord? Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire ce soir concernant les belles-mères et dans les foyers terribles comme le tien? Ah, en fait, ce que je voudrais dire, c'est si je prends l'exemple sur nos mamans, quel que soit ce que ta maman va te faire, forcément, elle restera toujours ta maman. Tu ne vas pas cesser de lui parler parce qu'elle est ta mère. Mmh. Donc, faisons pareil pour nos belles-mères. Que chacun fasse, surtout devant le Seigneur, que chacune de nous fasse sa part. Le reste, ça appartient au Seigneur. En tout cas, quand on va traiter le thème des belles-mères, justement, les belles-mères dans les foyers et les obstacles dans le mariage comme problème, nous allons faire le diagnostic d'abord des différents foyers, comment les belles-mères se comportent d'abord. On va examiner d'abord tous les cas avant de voir maintenant s'il faut injecter le paracétamol ou le kinemas dedans. D'accord, ma soeur? Mais malgré que tu aies vécu cela, le mariage est toujours bon, non? C'est bon de se marier, non? Mon frère, une chose est sûre, malgré tout, j'aime mon mari. C'est mon mari. Amen. Si nous écoutons un de ces jours, on ne sait jamais, peut tomber sur Bamba et va pour essayer de guetter ce qu'on fait par derrière là. Si on ne se réunit pas pour faire les pièges, qu'est-ce que tu lui dis? Que chérie, si tu m'écoutes, dis-lui ça tout droit. Dis, il commence la phrase et puis tu dis la suite. Mon chéri, si tu es là, rêve que tu guettes sur Bamba pour savoir, on ne fait même pas une secte ici. Si tu m'écoutes, allons-y, continue. Mon cher mari, Alain Patrice, mon sucre d'orge, comme je l'appelle souvent. Le sucre quoi, ma soeur? Le sucre d'orge. Mon sucre d'orge. Oui, continue, ma soeur. Vous allez me tuer. Du Bamba Eva. Et que tu écoutes ça, il faut que tu comprennes que je ne suis pas dans une secte comme tu penses, que je ne vais pas manger l'herbe comme je ne sais pas où tu as vu ça. Il a vu ça. Il a vu ce jeu de télévision. Quand on fait un pasteur sur avec un fait bouffer de l'herbe à ses amis. Oui, continue. Et que quand nous sommes arrivés ici, je t'ai dit que je ne sais pas, mais j'entends le Seigneur me demande de le chercher, Moi, je ne comprends pas. Je pensais que je priais, mais j'ai l'impression que je ne priais pas. Donc, le Seigneur me demande de le chercher. Et que là, j'ai trouvé le Seigneur, je suis au bon endroit. Je ne regrette pas. Je n'ai aucun regret pour ça. J'espère que, au-delà de tout, l'incrédulité que tu as va tomber si le Seigneur permet et que tu vas aussi te tourner vers lui. Assez, Monique. C'est pour le bien de notre famille. Et tu conclus que mon sucre d'orge, c'est ta chérie qui te parle. T'as bien aimé femme, ton sucre d'orge à toi qui te parle. Et quand tu t'appelles ton sucre d'orge, elle t'appelle quoi? Que la sardine de ton son peur. mon frère. Non, ne lis pas les secrets ici, c'est entre vous. Bon, de toute façon, ton mari est en route, d'accord? Un dictateur, mais bon, il va changer. T'inquiète pas. Notre Dieu va attraper son cœur, d'accord? Amen, mon frère. Quelle vie. Il y a encore quelqu'un qui va encore parler. Oui, frère, moi j'ai un témoignage qui est clair. Ah, la sœur Claire, témoigne-nous. Il vous a dit, on n'a pas lu 1 Samuel chapitre 25 ici, là. Vous allez voir. Oui, je veux faire un témoignage par rapport à ce mari méchant dont on parle dans la Bible. Hey. Et par rapport à la situation de notre sœur qui est en train de traverser actuellement. Alors, j'ai fait un foyer 6 ans. Et la première année, j'avais fait mon nez avec ce monsieur. Et durant les autres années passées, et je n'ai pas conçu, il y avait trop de problèmes entre temps. Alors, c'est-à-dire quoi, je dois partager la même table avec les maîtresses. Je dois, je sais pas, tout ce qu'ils doivent faire, je dois accepter, mais je l'avais accepté. D'autant plus que même quand j'allais même dans son bureau, et je suis assise comme ça, et les femmes se présentaient, je voyais les femmes qui venaient nous faire la cour devant moi. Mais j'observais et je ne réagissais pas. Je n'avais jamais réagi. Jusqu'à ce que un jour, il m'envoie dans son sac, je ne sais pas prendre quoi. Je suis arrivée là-bas, je suis tombée un carnet de maternité. Je trouve un nom. Et le nom me disait quelque chose parce que ce nom, une femme m'avait abordé dans son bureau un jour me demandant qui j'étais. Je lui ai demandé que, mais comment vous pouvez me poser cette question? Ça, c'est un bureau administratif auquel même un fou pour entrer, on reçoit tout le monde ici. Est-ce que vous avez le droit de me poser la question qui je suis? Je n'ai pas à vous dire qui je suis. J'attends celui qui a le bureau. Quand il s'est donc présenté, nous étions là, nous deux. Elle m'a vu, elle a vu la dame en question. Elle a donc demandé à la dame de me saluer, que ça c'est mon épouse. Elle a demandé, elle a prononcé le nom de cette fille, de cette femme, en me disant de saluer sa femme. Ok, on se salue. Et c'est ce jour-là donc que je vois ce nom marqué sur le carnet de l'hôpital. Ça me dit quelque chose. Je lui demande, je suis ressortie avec ce qu'il m'a envoyé faire. Je lui demande donc, c'est quoi cette histoire de carnet de maternité? Parce que le nom me dit quelque chose. Est-ce que c'est la même femme en question? Je dis oui. Je dis que mais tout ça c'est pour faire quoi? Elle est enceinte, elle dit oui. Je dis que mais et tu comptes faire quoi? Pourquoi tu as d'autres enfants? Parce que dans la maison, j'étais avec ses enfants, avec d'autres enfants que j'ai trouvés. Je lui demande que mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'aujourd'hui, à ton âge, parce qu'il était plus âgé, très âgé, mais il était mon aîné de, je crois, 19 ans, 20 ans. Je lui demande pourquoi il s'engage à faire, tu as encore autant besoin d'enfants aujourd'hui avec ce que tu as déjà fait là. Il dit que c'est une erreur, bref, il ne veut pas, et puis je ne veux même pas entendre parler de ça, je vais lui demander d'évacuer. En tout cas, ça ne te regarde pas, comme c'était un dictateur. Je dis que non, ça me regarde parce que je suis déjà tombée là-dessus. Il me dit, ça ne me regarde. Je dis non, moi j'ai déjà mis l'œil. Et puis, je suis déjà concernée. Et si tu évacues cet enfant, moi, je ne serai pas d'accord. Il me dit quoi? Je dis non. Il dit que bon, ok. Il dit qu'il n'a pas les moyens. Il a les moyens de quoi? Il dit le trousseau. Je dis, mais c'est un problème de trousseau. Voilà déjà, on va déjà peut-être à notre premier enfant, on a gardé le trousseau jusqu'à aujourd'hui. Ça me sert à quoi? Quoi de ce trousseau tu vas lui donner pour que cet enfant naisse? Il me demande si je suis sérieuse. Je dis oui, je suis sérieuse. Il dit que bon, ok, il a compris. C'est comme ça. Et moi, je lui avais laissé ça parce qu'il était tellement dictateur. Si bien que je ne pouvais pas lui dire quoi que ce soit. Je lui ai juste observé et j'étais là. Tous les temps, j'étais la gardienne de la maison. Il venait quand il veut, comme il veut. Et puis, je l'observais jusqu'à ce que l'enfant ait. Ma soeur, tu étais déjà chrétienne? Non, je n'étais pas chrétienne. Vas-y. Oui. Jusqu'à ce que l'enfant ait né, je suis donc allée. Le jour même qu'elle accouchait, on est venu l'appeler. Que ta femme, elle est en train d'aller à l'hôpital, elle est en travail. Je lui ai dit que non, pour l'instant, tu ne pars pas. Attends d'abord qu'elle accouche. Pour que tu y vas, s'il te plaît, ça ne se passe pas de cette façon. Oui. On est donc resté jusqu'à ce qu'on a attendu qu'elle accouche. Quand elle est donc accouchée maintenant, et puis nous deux, on s'est rendus à l'hôpital. Elle était même surprise de me voir. Ok. Et entre-temps, maintenant, et moi, comme je confectionnais, je savais faire les draps et puis les différentes formes, tout ça, j'ai sorti l'argent dans mes poches, je suis allée au marché, j'ai confectionné deux draps. pour aller voir l'enfant dans sa propre maison après qu'elle soit sortie de l'hôpital. L'enfant dont elle est née, après 6 mois, j'ai donc demandé que si elle pouvait me donner cet enfant. Parce que je n'avais pas d'enfant avec ce monsieur. Lui, et c'est comme ça que je l'ai accepté. Elle venait à la maison quand elle voulait, elle était comme ça. Elle pouvait m'en venir, elle sort avec mon mari. Mon mari pouvait venir le lendemain, ça ne me disait rien. Mais j'étais là avec l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant a eu 1 an, je m'apprêtais déjà à faire l'anniversaire de cet enfant. Cette fille, cette femme est venue prendre cet enfant un jour. Elle est partie. Elle n'était plus jamais revenue. Bon, et c'est comme ça qu'elle allait manigancer des trucs. C'est disant que je vais tuer son enfant et tout. Elle a créé des problèmes entre mon mari et moi. Bon, entre-temps, comme j'avais les problèmes d'accouchement en ce moment, et la belle famille me mettait déjà la pression, oh, je n'accouche pas, oh, je n'ai pas d'enfant, oh, voilà, que ton mari allait dehors faire des enfants. C'est comme ça qu'il vient maintenant, il commence à m'insulter, oh, si je meurs aujourd'hui, on va m'enterrer avec un caillou sur la main, et puis, parce que je n'ai pas d'enfant, et puis, c'est comme ça que ça me faisait mal, toujours en train de me taquiner. Parce qu'un jour, je programme un voyage pour aller voir mes parents. Il a fait 3 lettres. Avant, on faisait encore des lettres. Il a fait 3 lettres. Celui de mon père, de ma mère et de ma grande-sœur. Arrivé en cours de route, puisque je savais que c'est moi qui devais traduire la lettre de ma mère. Et dans la lettre, j'ai d'abord ouvert celle de ma mère. J'ai découvert que là-dedans, il déclarait que lui et moi ne pouvions pas faire d'enfant. Parce que j'étais du rhésus négatif. Je dis, mais tiens, qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre pour mon père, c'est la même déclaration. Pour ma grand-sœur, c'est la même déclaration. Donc, une façon de demander à mes parents que dès que mes parents devaient dire comme ça, on devait me retenir, de ne plus rentrer chez lui. Donc, c'était une façon de me faire partir de chez lui. J'ai donc plié les 3 lettres, j'ai mis dans la poche, je n'ai donné aucune lettre. Ce que j'allais donc faire, il était question que je fasse une semaine. Dès que 2 jours après, je suis rentrée. Parce que je voulais une explication par rapport à ces lettres. Quand il m'a vu, donc, il a sursauté. J'ai dit, mais pourquoi tu sursautes? Il dit qu'il ne m'attendait pas. J'ai dit, ah bon, il dit, je suis donc là. C'est comme ça qu'il est parti. Il n'est plus revenu. 2 jours après, je suis restée. Le troisième jour, je suis donc allée dans son bureau. Je lui ai donc dit, qu'est-ce que tu fais, Thiro? Depuis que je suis rentrée, je n'ai pas mon temps. S'il te plaît, fais un effort, tu viens à la maison. Je lui ai supplié, je lui ai vraiment supplié de venir à la maison ce soir, que même si c'est quoi, viens. Lui, viens même avant de repartir, je ne refuse pas. Je lui ai supplié de revenir. Le soir dont il est revenu, j'avais fait le mais qu'il voulait, il aimait bien. Alors, ce soir-là, il est arrivé autour de 23 heures. Je l'attendais vraiment. Je l'attendais. Quand il est donc venu, il a mangé, il allait se coucher. J'ai donc demandé que il faut qu'on cause. Il a dit non. Comme maintenant, il est fatigué. Est-ce qu'on peut causer un peu plus tôt le matin? Bon, c'est comme ça. Cette nuit-là, mes frères, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai conçu cette nuit-là. Il te voyait venir, ma soeur, il te voyait venir. Il t'a écrit ça. Oui. La nuit, là, tu es venu que tu veux l'enfant. Que c'est à cause de l'enfant que tu me chasses. Il y aura l'enfant aujourd'hui. Oui. J'ai conçu cette nuit-là. Et le Seigneur m'a fait grâce des jumeaux. Donc, il voulait un. C'est 2 coups. Ma soeur Christiane, ouvre la soeur Christiane, elle applaudit moi chez elle. Oui. Oui. Moi, j'aime les choses comme ça quand mon Dieu se glorifie. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, le matin, donc, il s'est levé. Il est en train de s'apprêter pour partir. J'ai dit, mais tiens, tu pars. Il dit, attends-moi le soir. Là, je ne me dérangeais même plus. Ce n'était même plus mon problème. Il est parti. J'ai seulement dit que si tu veux, tu viens. Si tu veux, ne viens pas. Mais ne sachant pas en réalité ce qui était en train de m'arriver. Parce que je n'avais plus rien dans le cœur, je n'avais plus l'amertume, je ne sais pas, je savais en moi fille avec quelque chose qui avait changé. Mais c'est jusque là, tu n'es pas chrétienne, n'est-ce pas? La question qu'il pose est importante. Jusque là, tu n'es pas chrétienne. Non, je n'étais pas chrétienne. Mmh. Je suis devenue chrétienne en Arabie Saoudite. Voilà, ça c'est qu'un paradoxe encore. Oui. Voilà. Donc, pour dire, parfois, le Seigneur peut nous faire traverser certaines choses. Moi, je sais que la main du Seigneur était là. Et puis, lui seul sait comment il peut organiser des choses. Il faut juste être patient et docile par rapport à certaines situations. Et prendre le calme pour observer. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer la situation. Mais parce que bien même après, il y a eu tellement de problèmes que cette femme voulait nous séparer. Il y a eu trop de problèmes là. Continue la suite. Parle-nous des jumeaux. Comment ça s'est passé donc avec le mari, ainsi de suite. Tout ça. Avec les lettres qu'on avait envoyées partout après, là-bas. Oui. Après, donc, c'est parce que je voulais qu'il m'explique en réalité pourquoi il a fait ces lettres à mes parents. Il dit, parce qu'il avait un problème au départ. À mon premier pas, quand on avait fait mes examens, on a constaté que j'étais du résistant négatif. Il fallait confirmer dans 3 hôpitaux. En réalité, savoir puisqu'on allait à l'hôpital général, à la quinzaine et au centre Pasteur. On a donc fait ces 3 examens là-bas. Ça a confirmé. Et puis, bon, on lui a donc préparé que la femme avec ce genre de résus, il faut que parfois, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais l'avantage, c'est que quand la femme accouche, on va prévoir une injection de l'antidé après l'accouchement. Et ayant déjà aussi examiné l'enfant, de quel groupe aussi l'enfant doit être. Voilà ce qu'on l'avait expliqué. Mais il a interprété la chose tellement mauvaise, si bien que, je ne sais pas, selon son problème, pour lui, c'était que je ne pouvais pas faire d'enfant avec lui jusqu'à ce que ses enfants vivent. Et il est revenu encore plus tard. J'ai donc pris ses lettres, j'ai donc déposé devant lui doucement. J'ai demandé qu'il faut qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi il doit faire ces choses comme ça à mes parents. Il dit que non, on lui a expliqué que lui et moi. J'ai dit que qui t'a expliqué, il faut que tu me dises. Il me dit que c'est son collègue docteur, puisqu'il était dans la police. Et son collègue était aussi dans la police, étant docteur. J'ai dit, demande comme c'est quel collègue dont tu parles. Il m'a donné son nom. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je suis donc allé rencontrer son collègue. Et avant de rencontrer son collègue, j'ai rencontré le supérieur de son collègue. Je lui ai posé donc ce problème. Son supérieur l'a donc appelé dans son bureau. Il lui dit, bon, est-ce que tu as eu à converser avec monsieur tel concernant sa femme? Il lui dit, bon, ok, il faut savoir que ta conversation est en train de causer des dégâts dans ce foyer à cause de la déclaration que tu as donnée à monsieur Huchet. Monsieur X, oui. Oui. Vous savez raconter les histoires. Oui. Il demande, mais comme tu dis, je dis, bon, ok, pour prouver mon innocence, j'aimerais qu'il a demandé à son chef de faire une convocation à monsieur Huchet. À l'instant, il a fait la convocation. À monsieur X. Pour qu'on puisse s'expliquer entre nous, table sur carte. On a coupé une fois la conversation. On m'a donné pour remettre ça à ton mari. Quand je suis allée dans son bureau, puisqu'il n'était plus régulier à la maison, j'ai pris la route de son bureau. Je suis arrivée là-bas. J'ai dit que bon, ok. Tel que tu m'as dit que monsieur X t'avait dit que toi et moi ne pouvions pas faire d'enfant, je les ai donc rencontrés avec telle personne. Et puis on a donc décidé qu'il faut qu'on se rencontre pour régler ce problème. Voilà ta convocation qu'on a coupée. Tu avais dit que vous êtes mariés pour le meilleur, pour le meilleur. Ça va, c'est pour être le meilleur, quoi. Oui, c'est comme ça. Je lui ai donc donné la convocation. Le jour où il ne s'est pas présenté, je suis venue. On a coupé la deuxième convocation. Il ne s'est pas présenté. La troisième, il ne s'est pas présenté. Et donc, on a donc coupé court que donc, c'est lui qui est à l'origine de notre problème. Bon, et puis maintenant, bon, la femme donc en question qui avait fait l'enfant dehors et que je me suis en occupée, elle a tellement crié des problèmes voulant, enfin, elle a même réussi même à me séparer avec ce monsieur. Parce que je ne peux pas faire d'enfant depuis nuit, elle allait raser la tête de l'enfant en cours de route. Le jour où elle prenait l'enfant, elle se dirigeait au lieu de service, montrant à ce monsieur comment, comment ta femme a rasé la tête de mon enfant pour vendre mon enfant dans la sorcellerie. L'enfant n'est plus revenu depuis ce jour. J'ai donc demandé à ce monsieur, mais l'enfant est où? Ta maman est où? Qu'est-ce qui se passe? Il a donc convoqué sa famille à la maison un de ces quatre matins, un dimanche. Je suis restée, je voyais seulement les gens venir de gauche à droite, Je demande que mais l'autre est venu en grondant, mais comment il peut inviter les gens et puis il n'est pas là. Attends, je demande que mais vous êtes invité? Il dit oui. Il dit, à propos de quoi? Il dit, mais tu n'es pas au courant? Je dis, non, je ne suis pas au courant de votre invitation. Il dit, ok, attendons venir. Bon. Quand ils étaient donc réunis, il est donc venu. Entre temps, maintenant, je vois la femme en question maintenant venir avec l'enfant. Quand je cours vers elle pour prendre l'enfant, elle me fuit avec l'enfant me posant la question si je peux accoucher un enfant comme celui-ci. Je suis restée comme ça. J'étais vraiment refroidie. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas que tu vas m'avancer ce genre de paroles? J'appelle son nom. Et puis maintenant, quand on a donc fait la tise avec sa famille, il dit, il y a un problème qui se passait ici dans cette famille, dans cette maison, ça fait une semaine où je n'étais pas là. La mère de cet enfant est venue prendre l'enfant et arriver, elle a constaté que la tête de l'enfant était rasée. Et puis, ils sont allés chez les marabouts de gauche à droite durant les une semaine. Le marabout les a fait comprendre qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire ça parce que je ne pouvais pas faire d'enfant. Voilà tout ça. La conclusion pose le problème et on avait déjà compris. Je me dis, mais tiens, j'ai seulement demandé à ton enfant que bon, donc c'est pour moi le merci que tu peux me donner devant tout le monde. Donc c'est pour moi le merci. En tout cas, moi je peux aussi te dire merci de tout ce que tu fais. Mais ce qui est sûr, Dieu va te rendre. Voilà ce que j'ai dit, je suis restée tranquille. Alors, il y a son petit frère, le dernier, qui est se levé, il a pris la parole. Il a dit comme bon, je ne nie pas, je ne peux boire le casier de personne, mais ce qui est sûr, on ne peut que juger quelqu'un par ses actes. Oui, par ses actes. Depuis que cette femme ici est dans cette maison, dans cette famille, moi, je ne peux constater un changement positif. Et il a donc appelé ses deux enfants, puisqu'ils étaient déjà grands. Il dit comme bon, est-ce que ce que je dis est faux? Parce qu'il n'y a que vous qui êtes dans cette maison, les enfants, c'est vous qui allez témoigner. C'est que Claire a changé cette maison, vrai ou faux? Les enfants ont dit vrai, positivement. Il dit comme bon, il a dit à son grand frère que vraiment, je suis peut-être ton enfant et tu es très, très grand comme moi. Mais ce que je vais te dire ici, là, c'est que si tu vois que tu ne peux plus vivre avec Claire, s'il te plaît, je préfère encore que tu ailles encore le remettre dans sa famille que de lui coller des choses qui ne conviennent pas avec elle. Voilà. Et quand il a dit ça, quand il a donc parlé comme ça, il s'est levé. Il est sorti. Il dit que bon, quelle qu'en soit la décision que vous allez prendre par rapport à ce problème, j'ai déjà donné ma position et je suis parti. Et en partant, il m'a dit, Claire, courage. C'est comme ça qu'il est parti. Bon, par derrière, il n'y a plus eu une autre conversation concernant même les autres. Donc, c'est comme ça que chacun s'est levé un à un et ils sont partis. Et puis, depuis ce jour, il m'a dit, bon, en ce moment, là où c'est que je peux faire maintenant, c'est que je dois aller chez ma famille. Et puis, comme ils sont allés chez leur marabout, je dois aussi aller chez mon marabout avec ma famille pour voir en réalité ce qu'ils ne veulent. Il dit que je fréquente pas les marabouts. Et je ne marche pas chez eux. Je fais pas ce genre de choses. Bon. En réalité, j'étais tellement choquée. Et puis, j'ai donc décidé ce soir-là d'aller informer moi à ma famille ce que j'étais en train d'entourer dans mon foyer. Et dès que je suis sortie, il a changé toutes les serrures de la porte. Et quand je suis revenue plus tard, je ne pouvais pas entrer. rapidement à la cuisine, tout. J'ai donc cassé toutes les portes. Est-ce que pourtant pas loin? Ou bien sur le chez toi, ou bien sur le chez toi. Sinon, sur le chez toi. Oui, ma soeur, vas-y. J'ai cassé toutes les portes. Et c'est le lendemain soir qu'il est venu. En venant, il a trouvé les portes ouvertes. Il a demandé que, mais qui est-ce? Quand je lui ai dit que c'est moi, il dit que je suis passé par où. Je lui ai dit que, mais tu ne vois pas. J'ai cassé les bêtises, oui. Je lui ai fait comprendre que, monsieur, quand on ne veut plus d'une femme, on peut au moins mettre ses habits dehors, ses affaires dehors. Quand tu me renvoies chez nous avec une seule tenue, c'est pour que je fasse comment? Et tu fais mes affaires dedans. Donc, je suis encore dedans. Voilà. C'est ce que je lui ai dit. Il dit que, en tout cas, il faut libérer ma maison. Je dis que je les libère. Cet événement, si c'est pas ça, ce que tu racontes là, ça se passe avant, c'est à l'issue de ça que tu es rentré dedans et que tu as eu les jumeaux, c'est ça? J'étais enceinte en ce moment, je ne savais pas. Donc tout ce que tu as bagarré comme ça, il y a les deux enfants derrière dedans. Quand tu finis de lui parler, après tu craches un peu. Quand tu finis de lui parler, tu craches, après tu dis que c'est maintenant, c'est 2 semaines maintenant après que la violence était tellement forte, c'est bien que ma famille en ce moment a intervenu. Oui, les choses. Lui a intervenu en disant que non, je dois d'abord venir à la maison en attendant que le calme règne, vienne avant que tu retournes. Quand je suis donc arrivée chez nous à la maison, on a donc convoqué mon père qui est du village. Il faut qu'il vienne à l'immédiat. Il est donc venu. On lui a donc suggéré le problème. Il a aussi réuni des frères et quelques de part et d'autre. On lui a donc invité. Mais chose de curieuse, on l'invite, il est venu seul, sans aucun membre de sa famille, avec un seul ami que je le connaissais. Il n'est même pas un membre de sa famille. On lui demande, mais comment tu peux venir comme ça? Il dit, non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. On lui demande, comment, qu'est-ce qui ne va pas? Il pose donc la situation. Et puis, bon, mon père, il s'est levé, il a dit, quel qu'en soit ce qui est arrivé, comme chez nous, il y a ce qu'on appelle quoi, les caddies. Mon père a mis le caddie. Le caddie, c'était quoi? Chez nous, il y avait le jujube. Comme j'étais jumelle, lui, il dit que, comme lui, il a fait les jumeaux, tout ce qu'il peut faire, jurer et tout, ça ne peut qu'être que sur le jujube. Il a pris le jujube, il a cassé, il a mis dans le plat, il a allé sur la cour de sa maison comme ça, il a pris la terre, il a mélangé avec ça. Il a donc dit, sur le caddie, en disant que bon, ma fille, c'est toi qui avais pris la résolution que tu vas vivre avec ce monsieur. Si arrivé et que tu as pris un autre chemin, ça ne me ressemble pas. Si arrivé et que tu as vu que le fait que tu n'avais pas d'enfants et que ces enfants ne te plaisaient pas et que tu voulais faire autre chose, ça ne me ressemble pas. Et que si en réalité tu l'as fait, que la chose retourne vraiment à toi. Et il dit à l'homme, devant toute la famille réunie, il y avait bien les gens, il a dit à l'homme que bon, je ne sais pas si c'est l'accusation, je ne sais pas si ce que tu es en train de dire est en réalité ou c'est une façon de menacer ma fille ou c'est une façon de rejeter ma fille, que tout ceci, si tu reconnais que ça retourne aussi sur toi. Nous deux, on a donc séparé ça. Il a pris le sable et le jujube, c'est comme ça qu'on a mangé. C'est comme ça que la chose a été aussi réglée. Et puis, il est parti. Ma famille par derrière maintenant dit que tu ne bouges plus. Quand on fait déjà ces choses, c'est que tu ne bouges plus. Tu dois rester. Mais c'est maintenant alors que voilà la semaine qui est passée. La semaine, je commence maintenant à cracher. Je dis, mais c'est quoi avec les crashs? Je me sens instable, je me sens bizarre. Ça n'allait pas. Mais les symptômes de grossesse, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis donc allée à l'hôpital, je fais le test de grossesse, c'était flou. On m'a renvoyé que normalement, il faut que je revienne dans 2 semaines encore pour confirmer si c'est ça. Je suis revenue dans 2 semaines. On a refait le test de grossesse, c'était positif. Je suis rentrée dire à ma famille que je suis enceinte. Ils disent quoi? Ils disent, je suis enceinte. Ils disent, enceinte comment? Je dis oui, je sors de l'hôpital, voilà mon carnet, voilà le test de grossesse qu'on vient de faire. Là, tu as informé ta famille avant ton mari? Oui. avant mon mari, avant mon mari, la femme, il m'était parlé comme avec tous les casiers machin qu'on a fait là, avec la grossesse. J'ai dit, je ne sais pas, vous voulez que je dise comment? C'est comme ça, alors que je prends la direction de son bureau maintenant. Je pars au lieu de service. C'est comme ça que je suis arrivée devant lui. Et j'ai lui récemment donné mon carnet. Te prends, voilà, voilà ce que tu voulais, non, voilà ça. Prends, vois-même. Voilà le test de grossesse. Positif. Je sais. Papa, tu es enceinte, je dis oui. Il me demande de qui. Je dis, comment ça, de qui? Si ça ne vient pas de toi. Et il me pose la question. Pourquoi depuis tu ne concevais pas? Tu attends qu'il y ait le problème avant que tu conçois. Voilà, c'est la question qu'il m'a posée. Pourquoi depuis tu ne concevais pas? Je lui ai demandé que mais tu étais Dieu. Donc si je comprends bien, si je n'approchais pas, c'est toi qui me bloquais depuis ce temps. Voilà, alors la grossesse, qu'est-ce que je dois faire? Il dit qu'il ne sait pas. Il dit comme bon, comme tu ne sais pas là, moi je retourne à la maison. Il dit quelle maison? J'ai dit chez toi. On t'a dit que je suis quitté de chez nous avec la grossesse. Tu ne peux pas me mettre la grossesse et puis tu vas me traîner comme tu es en train de me traîner là. C'est comme ça que je suis rentré encore à la maison. Comme il avait encore arrangé les portes, j'ai tout cassé encore. Je suis encore entré. Quand il est rentré le soir, il m'a trouvé à la maison. Alors, quand il m'a donc trouvé à la maison, je lui ai dit que ici, là, c'est mon cadavre qui va sortir ici. C'est ce que je lui ai dit. Mais il n'était pas content d'être que tu sois enceinte ou bien parce que tu as perdu non, la nouvelle, non, la nouvelle, il n'a pas manifesté. Il n'a pas manifesté. Il n'a pas bien manifesté. Il n'a pas pris la chose vraiment. Alors, quand je suis donc restée là, voilà, sa femme qui est déjà très régulière et à la maison, quand je l'ai vu venir, j'ai dit stop. Ici là, à compter d'aujourd'hui. De la signature du présent décret, oui. Article le premier. Plus. Article le premier. Non, non, attends. Article premier. Tu as compté d'aujourd'hui que les 5,50 mètres de cette maison que tu n'as franchi plus. Ce que j'ai dit à cette femme. Elle dit quoi? Est-ce que je suis chez toi? Je dis que non, faut que tu sois chez moi ou où. Mais ici, là, c'est mon territoire. Tu ne peux pas. Tu ne peux même plus me franchir. Elle a voulu amener la violence. Tes enfants sont sortis en ce moment. Lui dit comme bon, ici, là, tu ne mets plus pied ici. Donc, tu ne vas que respecter que ce qu'elle te demande. Donc, quand tu vas attendre ton mari chez toi le jour qu'elle va venir. Donc, c'est comme ça. C'est donc comme ça. Jusqu'à ce que les choses allaient que encore de plus en plus. Jusqu'au jour où, et quand la grossesse évoluait, j'étais là. Attends, comment ça évoluait, ça évoluait. Tu habitais à la maison, il était à la maison, vous regardez seulement comme ça, il n'y avait plus rien, ma soeur. Comment tu dis évoluer? il y avait les jours que, bon, on pouvait se voir, mais on ne se voyait pas régulièrement, parce que l'atmosphère, en réalité, il n'y avait plus cet amour-là avant. Chacun était méfiant de son côté, je ne comprenais pas. C'était très réticent, oui, mais j'étais là. Mais pendant ce temps, de son côté, elle, la femme, bon, elle insistait toujours qu'il faut que je quitte cette maison. Il faut que je quitte cette maison pour qu'elle regagne. C'est comme ça qu'un de ces quatre matins, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il dit que je dois partir. Je dis non, c'est comme ça que les tortures ont commencé. Il m'a tellement torturé avec cette grossesse. J'étais là. Je lui me torturais. C'est-à-dire que la partenaire de tous les jours, j'étais là. Tu avais dans accouché? Non, c'était avec la grossesse. Et tu as dit qu'il était policier. Était un homme de droit. Il sait effectivement ce que le code pénal camerounais parle par rapport aux femmes enceintes. Sa femme donc insistait donc arriver aussi à la maison. Je suis donc allée. J'ai fait une plainte contre cette femme. Et je suis allée photocopier. Je lui ai donné la photocopie que lis d'abord. Si tu es d'accord, je m'en vais déposer parce que c'est déjà trop. Quand il a donc lu, il a dit non. Ne pas déposer cette plainte mais moi, je vais prendre les dispositions. Mmh. Il a donc pris, il a pris les dispositions. Il a donc dit à cette femme, ne viens plus. Ses contacts, elle a donc arrêté de ne plus venir. Mais je ne savais pas qu'entre-temps, maintenant, sur mon dos, les plaintes étaient contre moi au commissariat central. Bon, c'est bizarre. Et il est menacé de mort, et j'ai voulu tuer ses enfants, et je suis, ses enfants sont en danger. J'avais, je sais pas, tellement en danger, si bien que, un jour, j'avais combien, 4 mois de grossesse, je suis allée à l'hôpital pour une visite, le 4e mois, mon ventre était tellement évolué, la femme m'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as seulement 4 mois de grossesse, mais ton ventre est tellement évolué comme ça, seulement. Elle me posait la question. Il y a les jumeaux dans ta famille, je dis que je suis jumelle. Il dit que bon, ok, va faire l'échographie. Quand je n'ai pas fait l'échographie, on constate que j'avais les jumeaux. Alors, quand je sais pas, je suis rentrée même avec des larmes, avec cette échographie, parce que je voyais ce qui était en train de m'attendre, avec les menaces que j'étais en train de subir. J'ai donc pris encore la route de son bureau. Je suis allée avec l'échographie. Je lui ai donné l'échographie. Quand il a vu l'échographie, il a digéré. Il a jeté ça sur mes pieds. J'ai pris, je suis sortie. Je suis rentrée. Tellement les menaces, tous les jours, la torture. Il n'est pas là le jour. Il vient, il faut qu'il me tape avant de partir. Parce que Il dit, hein, une belle femme comme toi, comme ça. Il te tape comme ça, tu es devenu son tantam. C'était trop fort. Un jour, une nuit, la dernière nuit où on s'était séparés, il m'avait tellement tapé, si bien que le pain que j'avais attaché, il a soulevé ça comme ça, il m'a tenu. Il avait serré, roulé ça comme ça, là, au fur et à mesure, il était en train de rouler, jusqu'à ce que je me tentais déjà. Bon, et je ne sais de quelle manière je me suis échappée de ce pain. Je suis sortie tout nue. J'étais nue. Je suis sortie en criant. Alors, il m'a poursuivi avec l'habit, voulant m'habiller. Je me suis dirigée directement dans le commissariat le plus proche où on était. Mmh. Il m'a donc trouvé là-bas. On lui posait la question, mais monsieur qui était de garde, il me demandait, mais monsieur Kuté, qu'est-ce qui se passe que, c'est quoi ce genre de... Il dit, collègue, laisse seulement, c'est les affaires de mari et femme. Voilà ce qu'il a répondu. Et puis, c'est lui qui m'a habillé. Il me dit donc, va. Je suis arrivée donc en route. Je ne sais pas où j'allais. J'étais vraiment traumatisée. Donc voilà, j'ai pris la route. J'étais au niveau de deux églises. Moi, j'ai dit que je ne peux pas rentrer chez nous. Il faut que je dorme dans un commissariat. Mmh. Et un commissariat où il doit répondre ses actes. Mmh. J'ai donc pris la route. Après, je me dirigeais à Bonanjo. J'ai pris deux églises, Carrefour, Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, deux églises, c'est un quartier à la périphérie, en plein centre de ville de Douala, à quelques kilomètres du centre même de la police. Après la douche, il y a un Carrefour là. Oui, tu as pris des celui-là à Bonanjo pour aller à la police judiciaire. Oui. J'allais à Bonanjo. Alors je suis allée dans ce Carrefour après la douche. Je suis allée à pied. Traumatisé pour ça. Et je suis arrivé là-bas, j'ai donc vu un benzikineur. Quand le benzikineur me voit dans cet étage, il me demande que je vais. Benzikineur, c'est l'expression camerounaise pour dire les motos taximans, disons ceux qui conduisent la moto. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Oui, c'est ça. Mais tu vas dans un commissariat à l'heure, c'est dans cet état, avec les larmes aux yeux, qu'est-ce qu'il y a? Je dis que s'il te plaît, tu peux me conduire. Il dit que non, il ne peut pas arriver jusque-là, mais il peut me laisser à un niveau. Il m'a donc laissé, il m'a conduit jusqu'à arriver à Bonanjo. Il m'a laissé dans un carrefour. Il me dit, voilà le commissariat central. C'est là-bas que tu parles. Non? J'ai dit, oui, au premier arrondissement. Pendant que je montais, frère, j'étais en train de monter. Je pleurais, je montais, je pleurais. Je montais, j'étais en train de pleurer. Il fallait que tu mettes toutes les choses même de ton côté, pour que quand tu vois, on comprend que quelque chose ne va pas. Oui, justement. Mm. Je suis donc arrivée à un niveau. Quand j'arrive à un niveau, j'ai trouvé... Il y a un chien qui est sorti de quelque part d'où je ne savais pas. Des chiens galeux de la ville là. Il est sorti. il a commencé à aboyer. Je marchais, il commence à aboyer, je marchais. À un moment donné, j'ai senti qu'il venait très fort vers moi. Je me suis arrêtée. Et pendant que je m'arrête, j'ai constaté presque 15 chiens qui m'ont entouré à l'instant. Et je suis restée au milieu de tous les chiens aboyaient, ils m'entouraient, jusqu'à ce que j'étais au milieu, je tremblais, je pleurais, je ne savais pas quoi faire, mais je suis restée tranquille jusqu'à ce qu'ils m'ont entouré. Le premier chien qui a apparu, c'est comme ça qu'il a pris la ligne pour ressortir, il rentrait là où ils étaient, c'est comme ça que les autres l'ont suivi. J'ai continué ma route jusqu'à ce que je suis arrivée à Bonanjo. Quand je suis donc arrivée à Bonanjo, les gens qui étaient de garde, quand ils ont vu mon état, et avec ma grossesse qui avait déjà pris un volume tellement, on m'a seulement trouvé un lit. Je ne sais pas où ils sont même allés chercher le matelas. Ils m'ont seulement dit que couche-toi là. Tu attends le matin. C'est comme ça que bon, j'ai attendu le matin. Et le commissaire qui était de garde, quand il est venu, il était de garde pour la. Il était à dehors pour la patrouille. Il est venu, on lui a signalé mon cas. Il est venu, il m'a interrogé. Puisqu'on le connaissait, et puis il faisait partie même de ce compagnon. Alors, le matin, quand il fallait qu'il parte, il a déchargé sur le cahier de décharge. Et puisque le commissaire central devait lire, il a supplié au commissaire central de trouver une solution à l'immédiat par rapport à mon problème, parce que ça ne va pas. Bon. Alors, le matin maintenant, il a demandé que bon, le cas, si la femme, si elle est au secrétaire, il dit qu'amenez-la directement dans mon bureau. C'est comme ça qu'on m'a dirigé dans le bureau du commissaire central. Dès que j'arrive, elle me dit, madame, c'est vous, madame, je dis, oui. Je vois ici son bureau comme ça. Il me sort 8 plaintes. Il dépose devant moi. Il me dit que c'est vous qui voulez tuer votre mari. Je dis, comment ça, comme ça? Il dit que voilà les plaintes. Il a déjà accumulé les plaintes ici comme ça contre vous sans ouvrir l'enquête. On se demandait pourquoi est-ce que c'était comme ça, on ne connaissait pas. Voilà donc cela. Je dis que bon, ok, il a donc appelé, puisque comme on a installé les services sociaux dans les commissariats, il a donc appelé le chef de service social. Il a donc donné l'ordre que ici là, je te donne une semaine pour avoir la solution par rapport à ce problème. Je veux une suite par rapport à ce problème. Alors, on a donc visé une convocation à l'instant. La première convocation, il n'est pas venu puisqu'il faisait partie de la circulation. La deuxième, il n'est pas venu. Le troisième, on allait donner au commissaire de la circulation pour dire que bon, voilà ton élément, on le convoque, il ne vient pas. C'est le commissaire, son patron, qui allait le voir là où il dirigeait la circulation pour lui dire que c'est moi qui te donne cette fois-ci. Je ne te présente pas, alors tu vas voir ce que je vais te faire. C'est comme ça alors qu'il se présente. On lui demande, tu es un policier. C'est toi qui menaces la femme enceinte. C'est toi qui fais ceci. Si un civil vient te poser ce problème, qu'est-ce que tu vas donc lui répondre? C'est comme ça. Il a cherché à prendre les défenses, jusqu'à ce qu'on dise qu'aujourd'hui, là, on va trouver une solution. Jusqu'à ce qu'on on l'a entendu, on a fait le procès verbal. On a trouvé que la solution, c'était que je rentre chez mes parents. Alors, le commissaire central, le commissaire de la police, et l'enquêteur, le chef de service social, lui et moi, on a fait une réunion. On a donc dit, bon, ok, il faut qu'il sache que c'est lui qui ne veut plus de moi. Et le temps, voilà déjà 6 ans de vie que tu lui as perdu pour ça. Tu ne veux plus d'elle aujourd'hui avec cette femme. Il disait même que ce n'était même pas ses enfants. Voilà ce qu'il a déclaré dans la plainte, que ce ne sont même pas ses enfants. Alors, on dit que bon, tu dois t'occuper d'elle. Parce que ici, on ne peut pas déterminer si ce sont tes enfants ou pas, jusqu'à ce qu'elle accouche. Tu dois faire le trousseau, tu dois s'occuper d'elle. Tu dois signer. On a fait l'étude, il a signé. Et le commissaire central lui a mis sur ses gardes que si tu ne t'occupe pas d'elle et que quelque chose lui arrive, moi, c'est moi qui va te poursuivre jusqu'au dernier niveau. Il n'a rien fait. Je suis resté c'est en ce moment maintenant que on a donc dit que bon, toi, tu vas chez lui, tu vas aller prendre ce qui t'appartient, tu rentres. Alors, et on lui a dit, le temps que tu lui as perdu, elle va aller refaire une autre vie. Et elle ne peut pas partir de chez toi comme ça. C'est elle qui doit choisir ce qu'elle doit prendre pour partir avec. C'est elle, c'est lui, il dit que je ne lui donne rien. Elle a, il a répondu comme ça au milieu des gens. Il dit bon, ok. On a donc, tu vas chez lui quand pour prendre tes choses. On a donc fixé. Parce que tout ça était sur écrit pour que je respecte lui. Donc, ce jour-là, donc, je me suis rendue là-bas avec mon petit frère. Bon, en venant, le truc que j'avais déjà commencé, il avait pris, il a gardé, il avait sorti le berceau que depuis le 6 ans, le premier né qu'on n'avait pas, que je n'avais pas utilisé, il a sorti ça, et mes habits, il avait sorti. Bon, et puis, quand je suis donc venue, j'ai pris mes habits. Et le reste, il me demande que mais voici le trousseau, voici la layette que tu as laissée. Je lui ai dit que non, ce que tu vois dans mon ventre là, ce n'est pas l'enfant. Celle qui connaît bien accrocher va rester par derrière utilisée. Tu lui as donné les paraboles. Mm-hmm. Oui. J'ai laissé le trousseau. Tout ce qui concernait enfant, il avait réservé. J'ai dit que non, je ne prends pas. C'est comme ça que je suis partie. Il fallait maintenant que j'aille donner le compte rendu à la police. C'est comme ça que je suis allée donner le compte rendu. Comment c'était passé? La dame du service social. Service social, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit vraiment, je sais pas, il y a peu de femmes qui réagissent comme ça, mais on ne sait pas ce qui est, et ce qui est là, mais ce qui est sûr, tu as très bien réagi. Mais il n'y a pas de problème. Alors, pendant ce temps, comme la dame de service social, tout le temps, elle était en train de m'appeler pour savoir l'évolution, parce que les enquêtes étaient toujours en cours. Est-ce qu'il s'en occupe? J'ai dit non. Est-ce qu'il est passé sur moi? Non. C'est jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai donc accouché, j'ai donc appelé la police pour dire que j'ai accouché. J'ai dit bon, ok, dans quel hôpital? Alors, on a envoyé deux antigans pour venir à l'hôpital, se présenter d'abord dans la clinique, pour dire que bon, nous sommes ici pour telle enquête, mais nous ne voulons pas qu'elle soit au courant que nous sommes là pour ça. Il suffisait seulement que qu'on sache que ces enfants n'étaient pas de ce monsieur. Moi, je devais faire la prison. Voilà. Alors, ces hommes se sont présentés. Le docteur de l'hôpital avait ce monsieur. Bon, je ne savais pas de quoi il était question. Les antigans sont les, pour ceux qui ne connaissent pas, sont la police dans la police, mais qui travaillent généralement en civil et en retrait pour pouvoir faire écran et travailler parmi les bandits, peuvent travailler parmi les bandits, faire usage parmi les civils, mais pour détecter travailler dans les différents rouages, parce que si quelqu'un vient avec la bille de la police, on va directement détecter. Donc c'est les gens qui travaillent sous couverture. Oui. C'est comme ça qu'on a pris les enfants. Soit disant qu'on vient, je vais au bureau, c'était comme ça pour filmer les enfants et avoir une photo de ces enfants. Bon, je ne savais donc pas. Et on a donc amené ça, on est allé laver, on a donc amené ça pour joindre sur le dossier. Oui. Puis on a encore fait appel pour dire comment, ok, ta femme a donc accouché. Il est temps maintenant qu'on sache si ces enfants sont les tiens. Parce que tu as déclaré que ce n'était pas tes enfants, mais nous, quand on voit les photos de ces enfants, le garçon était sa photocopie. Déjà, ma soeur, avant que tu ne continues, c'est en quelle année cet événement tu viens de raconter? Je suis en 2004. 2004, donc ça fait 15 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ok, continue. Oui. Alors, quand on a donc fait comme ça, on dit que ta femme a accouché, c'est vrai que lui disait que ici là, on ne sait même pas avec quoi tu vas te défendre, parce que si tu vois les photos des enfants là, viens voir ta photocopie seulement, je ne sais pas avec quoi tu vas même te défendre. Donc il faut seulement te préparer, même comme tu n'étais pas occupé d'elle. Voilà ce que la dame du service social lui disait, que ici là, on ne va pas te laisser. Et de prépare-toi donc pour aller faire les groupes sanguins pour savoir comment, si ce sont en réalité, ou c'est quoi. On devrait faire le test de paternité. Voilà, c'est ce qu'on a dit. La soeur Julie, écoute bien ça, écoute bien ça, tu dors. Oui, continue ma soeur. On a donc pris rendez-vous à la cantinée. On a pris rendez-vous à la cantinée avec l'enquêteur. On lui a donné la convocation qu'on devait se retrouver à la cantinée. C'est comme ça que je quitte la maison, je porte les jumeaux. J'arrive maintenant à la cantinée. On est resté avec l'enquêteur jusqu'à ce que le monsieur ne s'est pas présenté. On a donc toujours rendu le problème. On a remis ça sur le rapport. Et puis, le commissaire a donc décidé d'envoyer le problème de temps et au parquet. Et pour envoyer le problème au parquet, il fallait que le chef service provincial vise pour que le problème aille au parquet. On a envoyé le dossier au chef service provincial. Le chef service provincial a dit non. Il dit là, ça c'est son élément. C'est lui qui décante. Il travaille beaucoup bien, très bien sur la. Puisqu'on lui a tout expliqué et il a vu qu'il était en erreur et que lui, il risquait la prison. C'était la prison qu'il était en train de risquer comme ça. Alors, il a dit que non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas ces choses-ci. Je ne veux pas que ceci lui arrive. Donc, il a dit au commissaire que je suis contre. Donc, donne-moi alors le dossier. Il a pris le dossier. C'est comme ça qu'il a mis dans son bureau que l'affaire est close. L'affaire est close. Alors, quand le commissaire, je suis revenu chez le commissaire m'a donné 30 000. Il me dit que bon, rentre à la maison. Il n'y a pas de problème. Rentre à la maison, il ne s'en occupe pas. S'il s'en occupe, il faut rentrer à la maison. Il n'y a pas de problème. D'accord? Je t'ai vu. Alors, quand les enfants ont eu 6 mois, mon père est venu voir comme j'avais accouché. J'ai donc dit à papa comme bon, ok, comme tu es là, c'est bien. Entre temps, pendant que tu es à la maison, le matin, comment ça se passe la vie de couple avec en tant que mère de famille? Qu'est-ce qu'il fait avec les enfants? Comment il te gère? Comment est la situation? Non, je n'étais plus chez lui. J'étais maintenant en ce moment, puisqu'on nous avait déjà séparés. Je ne pouvais plus vivre chez lui. Il t'a rendu quand même visite? Non, il ne m'avait pas rendu visite jusqu'à ce que j'ai accouché. Jusqu'à ce que j'ai accouché. Parce que quand j'ai accouché, l'enquête continuait. Jusqu'à ce que, peut-être 2 mois comme ça, c'est comme ça que le chef service provincial a tout arrêté. Je suis donc rentrée à la maison. Et 6 mois après, papa est venu, j'ai dit comme bon, on va faire les actes de naissance de ses enfants parce que je ne veux pas que mes enfants aient des faits inconnus sur mes actes. Il a donc dit que non. Lui, il est un père, il est chez les Bamiyékés, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord que, même s'il est un monstre, on va d'abord l'aborder pour que l'enfant entende ce qu'il va dire avant d'aller reconnaître ses enfants. Alors, il a donc fait appel à ce monsieur. Bon, on a donc constaté même qu'il avait même déjà pris conscience, mais il ne savait pas comment faire pour revenir, pour m'aborder avec lui. Je sais pas, il ne savait pas comment faire. Et puis, comme il m'avait déjà monté contre sa famille, personne de sa famille était encore avec moi, puisque les gens savaient que j'étais ceci, j'étais méchante, je voulais sa mort, je voulais son enfant, tout ça. Donc, quand mon père lui a fait appel, que viens, c'est moi qui t'appelle, il est venu. Et quand il est donc venu, il lui a dit que bon, moi, je veux pas savoir ce qui se passait entre ta femme et toi, c'est vous qui connaissez, mais sachez qu'il y a déjà des innocents qui sont en train de payer le prix. Mais ce que je veux, c'est que ça sorte de ta bouche, c'est un oui ou un non. Je n'ai pas d'explication, tu n'as pas d'explication à mettre de nous. Je veux connaître si ces enfants sont tes enfants. Je veux le oui ou le non. Il a dit que ce sont ses enfants. Il a demandé, parce qu'il est venu, on lui a d'abord caché les enfants. Je suis même passé. Mon père lui a demandé que, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Il dit qu'il est sûr. Il dit, bon, ok, va encore réfléchir, tu viens demain. C'est ce que mon père lui a dit. Il est parti. Le lendemain, en venant, il avait les habits des enfants, le savon, l'eau, tout ça. Je ne sais pas, il avait les trucs concernant les enfants, quoi. Bon, maintenant, quand il est donc venu comme ça, son père a dit comme bon, tu as bien réfléchi, ce sont tes enfants. Et en ce moment, il est alors venu avec son frère. Il m'a donc appelé, il dit amène-moi les enfants. Je suis venu avec les enfants. Les enfants avaient 6 mois. Il a pris le garçon, il lui a remis, il a pris la fille, il a mis les enfants sur ses 2 pieds. Il les a tenus comme ça, là, du deux côtés. Il les regardait, il les regardait, il les regardait. Après, il a commencé à pleurer. Il commençait maintenant à pleurer. Ouais. Bon, les gens ne faisaient rien. Toi-même, tu as aussi pleuré. Non, je n'avais pas pleuré. Tu avais déjà trop pleuré. J'avais encore la douleur de ce qu'il m'avait fait. Tu as dit ton larme de crocodile, ça ne me fait rien. Oui. Il a commencé à pleurer. Bon, après, son frère a pris un autre enfant pour le permettre de se nettoyer. De suer ses larmes. Oui. Suer ses larmes. Oui. Quand il a donc essuyé ses larmes, et puis il a demandé pardon, il a commencé à expliquer des choses, et c'est comme ça comme bon. Mais les choses. La chose a été revue. Donc, c'était facile. Donc, je peux dire qu'il y avait la paix. C'est comme ça qu'il était maintenant là. Attends, ma soeur. Il a dit quand il a pleuré, il a élevé ses yeux. Attends, ma soeur. Il a dit Claire, je vois clairement que tu es clairement ma femme. Et c'est parce qu'il m'avait pris. Pardonne-moi, Claire. Tu es clairement ma femme. Dis-nous. C'était comme ça. Et vraiment, c'était aussi. Beau de vivre ces moments, mais ça n'a pas duré. Dis-nous, attends le moment. Donc, à cet instant-là, tout ce que tu avais sur le cœur, c'était comment? C'est comme si on avait versé l'eau glacée pour éteindre le feu qui était là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'avais déjà la paix. Mmh. Parce qu'en le voyant, moi, je ne sais pas, j'étais très tranquille. J'étais tranquille. Parce que quand je regardais les enfants, j'étais en train de me poser la question comme en réalité, je veux faire comment avec les deux? Je ne travaille pas, je ne fais rien. Mmh. Je veux faire comment? C'était là ma situation. Bon, quand il est donc revenu, il a pris soin et il a commencé à rationner, à les besoins des enfants. C'est comme ça. 3 mois seulement, là, c'est comme ça qu'il est mort. Mm-hmm. Comme ça qu'il est mort. Et après sa mort, et quand il est donc mort. Quand il est mort, vous étiez dans la même maison, tu étais revenu chez toi ou bien c'était non, toujours à distance? J'étais toujours chez nous. Mm. L'enfant avait en ce moment 9 mois. Mm-hmm. Quand il est donc mort, je suis allée au deuil, on est venu m'annoncer, je suis allée donc au deuil. Et quand je suis arrivée au deuil, bon, les gens me pointaient du doigt, c'est monté, c'est descendu, c'est moi qui ai décidé de tout ça. Oui, bon, on n'a pas voulu m'accueillir. Bon, okay. Son frère qui avait pris ma défense durant tous les problèmes qui s'étaient présentés, et il était parti. Mm-hmm. Je l'ai donc appelé. Il dit comme bon, ok. J'ai une situation dans cette maison et il n'y a que toi qui peux me résoudre ce problème. Il me dit quoi? J'ai dit comme bon, les actes de naissance de mes enfants. Il dit quoi? Il dit oui. Je veux les actes de naissance de mes enfants. Il dit comme il a fait les actes quand? Il dit qu'il a fait. Ne cherche pas à savoir quand est-ce qu'il a fait. Voilà, je t'envoie à tel endroit. Ouvre telle mallette à tel endroit comme ça. Les actes de mes enfants sont dedans. Il est allé dedans. Il a ouvert la mallette. Il a trouvé les actes de naissance de ses enfants. De combien d'enfants? Il a les actes de naissance de tous les enfants, mais je voulais les miens. Mm-hmm. Je voulais les actes de naissance de mes jumeaux. Mais lui, il n'en revenait pas parce qu'avec tout ce qu'il avait fait, tout. Comme il a même dit à la famille partout que ce n'était pas ses enfants. Sa famille était convaincue, mm-hmm. tellement convaincue que oh, je suis allée faire les enfants dehors. Mm-hmm. Quand il a donc sorti les actes, il a attiré l'attention de tous les gens de la famille que venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez vite, venez. Il dit, on lui demande que c'est quoi. Il dit que vous voyez ça, vous voyez, qu'est-ce qu'ils vous nous ont dit? La femme là, les enfants là, ce n'étaient pas ses enfants. Voilà les actes de ses enfants. Donc, en tout cas, moi je m'en vais lui remettre. Il fallait seulement que je vous montre. Dès qu'il m'a donné, j'ai fait des mythos, je suis rentré. Mais au témoignage dans son deuil, quand on l'a enterré, on a témoigné que c'était un bon père, un bon chef de famille, un bon officier. Il a bien travaillé pour la nation, non? Non. Le jour où on amenait le corps, je suis partie. On m'a demandé de témoigner. Et je suis arrivée sur son corps, devant son corps. J'ai dit que te voici couché, mais je ne connais pas l'origine de ta mort. Mmh. Mais quel qu'en soit, n'importe quoi, où c'est qui est, que tu, je ne sais pas que Dieu réveille ça avec la personne, mais sache que tel que tu es parti là, tu m'as laissé une charge. Mais la charge que tu m'as laissée là, tes enfants là, je vais prendre soin d'eux jusqu'à ce que, je ne sais pas, ils vont devenir des hommes demain. Mmh. Voilà ce que j'ai dit de mon corps. Mmh. Et puis je suis quittée. Mmh. Il y a pas comme un souci de connexion là maintenant. Thank you. Tu es saint, je désire te.